Bienvenue tout le monde sur la POC, édition du 4 octobre 2017. J'ai gagné ton animateur et avec moi, Jerry Godbout. Hey, salut, salut, on est de retour. Ouais, nouvelle émission de la POC cette semaine, c'est le lancement. Aujourd'hui même, au moment d'enregistrer, c'est le lancement de la saison 2017-2018 dans la Ligue nationale. Le Canadien qui jouera demain, donc au moment d'enregistrer, on n'a pas de match de vécu dans la saison régulière. Le Canadien qui, écoute, il aurait fallu que je l'ouvre, parce que j'essaie de faire toujours le résumé de l'équipe, qu'est-ce qu'ils ont eu dernièrement comme match, mais là on pourrait regarder cette semaine, qu'est-ce que le Canadien a comme... Écoute, c'est vraiment pas, je l'ai pas sorti. Ah! Tu parles des matchs préparatoires, dans le fond. Non, mais oui, les matchs préparatoires. Ben, en fait, le Canadien a terminé avec ses six défaites en ligne. On avait fait un show à ce moment-là. Et ensuite, deux victoires. Une de 4-1 contre la Floride, où est-ce que j'étais sur place, au Centre Bell. Et un autre, un massacre de 9-2 contre les Sénateurs d'Ottawa. Ça, c'est le bilan pour les matchs... pour les matchs pré-saison pour le Canadien de Montréal. Disons que, tu sais, on est tous très intenses quand vient le temps de parler du Canadien de Montréal. On est tous, tu sais, le Canadien, ça attise les discussions. À 0-6, ça jasait pas mal fort. Puis, tu sais, on est les premiers à être dans la discussion quand ça vient le temps de jaser du Canadien de Montréal. Là, mettons que les deux derniers matchs, les deux victoires, ça a venu tempérer. Le 9-2, là, on va se le dire, là, c'est une exception, là. Ça sera pas de même tout le temps. Là. Craig Anderson avait une mauvaise dans le corps, puis tout le monde après ça. Là. C'était le dernier match préparatoire aussi. Puis, je pense que le monde a hâte que la saison commence, puis les joueurs aussi. J'imagine que les derniers matchs, c'est moyen. Ouais. Avant qu'on y aille avec nos prédictions, parce qu'on a demandé aussi au public, à notre monde, qu'est-ce qu'il y a eu. Ils pensaient qu'il allait. Qui était pour arriver pour le Canadien de Montréal? On va se poser cette question-là, nous autres aussi. Les matchs du Canadien, là, d'ici notre prochain enregistrement, on a le premier match contre Buffalo demain, le 5 octobre. Ensuite, Washington, samedi le 7. Le lendemain, dimanche le 8, on a les Rangers à qui on rend visite. Premier match à domicile contre les Blackhawks de Chicago, c'est le 10 octobre. Et ensuite, Toronto, le samedi suivant. San Jose, Los Angeles et Anaheim pour les matchs qui suivent. Donc ça, c'est pas mal les trois premières semaines du calendrier du Canadien de Montréal. Plusieurs matchs forts et intéressants. Là, les Caps, les Rangers, déjà on raffronte la formation qui a éliminé le Canadien l'an passé. Et ensuite, un voyage dans l'Ouest pour commencer la saison. Ça va être le fun. Ça va être très, très intéressant. Jerry, donc aujourd'hui, le Canadien de Montréal... Deux mouvements de transaction. As-tu vu les échanges en question? Oui, j'ai vu dans le fond. Ça commence bien la saison. On calme les ardeurs, on fait deux trades. Moi, je vais vous calmer direct en vous disant que c'est pas des gros trades. Ben, Marc Bergevin avait son saut de directeur général du Rocket de Laval. Ouais, ben, le pire, c'est que c'est même pas lui le directeur général, dans le sens du Rocket. Non, ben, le DG du Rocket, là. T'sais, à part envoyer des gars dans la East Coast League, puis faire t'sais, des embauches de gars de One Way, puis encore, c'est pas mal Marc Bergevin qui doit s'en occuper. Je sais pas qu'est-ce que ça fait le DG d'un club. De... Non, hein, c'est spécial comme tâche, mais bref, on va se dire tout de suite que c'est deux moves de la Ligue américaine, donc vraiment pour renflouer et rajeunir un peu le Rocket de Laval. Ben en gros, on y va avec les transactions. On a Zach Redmond, qui devait pas être très très content. Je pense même que c'est lui qui a demandé à être échangé. Qui a été échangé à Buffalo. Donc on renvoie un autre défenseur à Buffalo. Contre Nicolas Deslauriers. Je pense qu'on va moins le regretter cette transaction-là que celle de Beaulieu. On va y revenir plus tard. Mais Nicolas Deslauriers avait demandé à son DG de ne pas être envoyé dans la Ligue américaine. Donc autrement dit... Il avait subtilement demandé à ce qu'il y ait une transaction. Mais nous, on l'envoie aussi dans la Ligue américaine. Oui, mais pas à Rochester. Ouais. Rochester, là, c'est comme... T'sais, par rapport à Buffalo, là, c'est pas top. Là. C'est pas une grande ville. C'est rien de très, très glorieux. Là. Je connais pas beaucoup Nicolas Delaurier, mais ça sonne québécois comme nom, donc j'imagine que Laval, il va quand même être plus content que Rochester. Ben, c'est ça. Fait que, puis Zach Renan, ben lui, je sais pas qu'est-ce qu'il va avoir avec lui. Y a-t-il une place à Buffalo? Il va-tu jouer pour Rochester? Honnêtement, je m'en sac. Il est parti, puis rendu là, je dis Redmond, c'était pas un gros char, okay, on va se le dire. On s'en ennuiera pas, ça, c'est premier. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Redmond a 29 ans, puis Nicolas Delaurier en a 26. Fait que, tu sais, on se rajeunit quand même de 3 ans, on va chercher un petit Québécois. Oui, c'était plus un move Ligue américaine, mais regarde, le monde va être content. Il pourra pas dire qu'il y aura pas de Québécois qui arrive à Montréal, tu sais. Puis, tu sais, je regarde les stats de Delaurier, là. Tu sais, rien à tout casser, là. Mais première saison à Buffalo, durant la saison 2013-2014, 17 matchs, on parle de un but, that's it. Ensuite, saison 2014-2015, il a fait toute l'année, 82 matchs, 5 buts, 10 passes pour 15 points. Correct. Tu sais, gars de quatrième ligne, là. Ensuite, 2015-2016, 70 matchs, 6-6, donc 12 points. Et l'an passé, 2016-2017, 42 matchs, 0 buts, 2 passes. Est-ce que son pic est déjà passé, est déjà derrière lui? Est-ce que le gars se croit pour, tu sais, déjà arrivé, là? Je sais pas. Puis en même temps, tu sais, c'était Buffalo. Là. Buffalo, dans ces années-là, c'était pas le top. Là. Fait que c'est peut-être assez tough de se faire valoir aussi. Puis je sais pas, je connais même pas, honnêtement, je connais pas beaucoup Nicolas Delaurier. Je peux même pas dire c'est quoi son style de jeu. C'est un gars d'énergie, c'est un gars qui est capable de dropper mitaine. Ben, c'est sûr que j'ai vu dans les commentaires, puis ça, c'est un gars qui est capable de brasser le jeu un peu. Fait que, on a-tu été chercher comme un genre de Brendan Pross plus jeune, si on veut, là? Je pense qu'on a été chercher un genre de, tu sais, ça va sonner large, puis gros, un genre de mentor pour McCarron. Parce que les rôles sont semblables. McCarron, dans la Ligue américaine, se doit d'être le gars qui défend ses coéquipiers, se doit d'être le gars d'énergie, se doit d'être... Tu sais, à 6 et 6, c'est sûr que les autres gars, c'est lui qui vise dans le club, c'est lui qui essaye. Alors que là, on va disperser un petit peu la pression. Nicolas Delaurier va venir en ramasser un peu, puis je sais que c'est pas la même position, je sais que c'est pas le même type de gaillard nécessairement en termes de... Tu sais, c'est un 6 et 1, là. C'est pas un 6 et 6 comme McCarron. Mais en termes de fonction dans un alignement, les deux se ressemblent. Ah, ben, ils ont l'air très bien le même format. Ben, le même format. Je veux dire, le même format, si on prend le... Tu comprends ce que je veux dire? Le type de jeu. Mais, ouais, ben, c'est ça. Fait que, non, ben, écoute, je pense pas que ça peut être un mauvais move, là, tant qu'à faire Redmond, c'était assez moyen. Puis, je connais pas le contrat non plus de Delaurier. J'imagine que c'est un two-way, fait que plus facile de monter et redescendre. Je sais qu'il y a probablement un ballotage, mais ça m'étonnerait qu'il intéresse grand club. Fait que tant qu'à moi, c'est un bon move de Ligue américaine. J'essaie de voir c'est quoi le type de contrat. Je suis sur CapGeek en ce moment. Ça doit pas être le gros char non plus. Il doit pas être payé 8 millions puis one-way, là, on va se le dire. Là. En fait, je pense que oui, c'est un one-way. 775 000 sur le plafond salarial. Ah, OK. Ben, bref, quand même. Reste qu'un one-way, oui, il repasse au ballottage, mais... Mais il est déjà en bas. Fait qu'il a déjà passé au ballottage. Ouais, c'est ça. C'est un one-way. 775 000, ça termine à la fin de l'année. Il est déjà en bas. L'autre gars est en bas. C'est that's it, that's all, là. Puis au pire, on le perd. Vraiment, là. On s'inquiète-tu pour ça? Pas tant, là. Pour Redmond, à la limite, ça fait un spot de plus dans l'équipe, tu sais. Puis c'est un attaquant pour un défenseur. Le Canadien a un shitload de défenseurs. Bon, un de moins en Redmond pour aller chercher un attaquant. Why not? Why not, effectivement. Puis justement, on a échangé un autre joueur, Andreas Martinsson, qui n'aura fait que passer, qui n'a pas joué beaucoup de matchs avec les Canadiens de Montréal, qui venait de se faire aussi lui aussi descendre, dans le fond, avec le Rocket de Laval. Un gros total de 9 matchs à Montréal. Grosse carrière à Montréal. Il a absolument rien fait, en fait, à Montréal. Puis on l'a échangé, je veux juste vous le rappeler, parce que moi, ça me fait un peu chier, mais bon. Contre Sven Andrighetto, qui, lui, a eu 16 points en 19 matchs au Colorado. Ah, que ça fait mal. on l'a échangé pour un certain Kyle Bond. Ouais, là, j'imagine que vous vous demandez tout qui est Kyle Bond. Parce que, pas sûr qu'avant ce trade-là, beaucoup de gens le connaissaient. Encore une fois, on se rajeunit un peu. Parce que Martinsson, je le spécifie, il avait 27 ans. Kyle Bond a 25 ans. OK. Bon. C'est 2 ans, c'est pas intense. Puis tu sais, le gars a 5 matchs de jouer dans la Ligue nationale, 0 point. C'est un ancien des collèges américains, Colgate University. Fouille-moi, c'est où? C'est dans la NCAA. Puis il n'a jamais été en mesure d'accumuler plus d'une 30aine de points sur une 40aine de matchs par saison. Alors, c'est pas un gars de 1 point par match, même dans le collégial. Dans la Ligue américaine, 9 points en 2015-2016 avec Rockford, le club-école de Chicago, en 43 matchs. Et la saison passée, 34 points, 14 buts, 20 passes en 64 matchs avec la même formation. Encore une fois, c'est un gars étiqueté Ligue américaine qui n'est pas capable de passer au prochain niveau. Tu sais, il peut venir remplacer une coupe de match, mais attends-toi pas à ce que ce soit ton sauveur. Et non, vraiment pas. Même que je pense qu'il y a d'autres joueurs qui vont passer avant lui pour venir sauver les meubles à Montréal. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Fait que Sven Andrietto contre Kyle Bond. Ça fait encore mal, dis-moi. Ça fait très, très mal. Sven Andrighetto qui s'enligne pour être sur le premier trio avec McKinnon au Colorado. Se complète super bien les deux. Très rapide. Je pense qu'on a abandonné vraiment trop vite sur le cas de Sven Andrighetto. On lui a pas donné de chance de se faire valoir tant que ça. Était à 1 point par match dans ses 2 dernières saisons, le temps qu'il a passé dans la Ligue américaine. Dans la Ligue nationale, réussit à produire quand on le mettait avec du monde compétent. Et pourtant, le voilà parti. On a tout fait pour... Puis ça, je pense que ça se répète là, dans le cas de Marc Bergevin. On a tout fait pour diminuer au maximum la valeur du gars avant de l'échanger. Clin d'œil, M. Beaulieu. Ouais. Beaulieu. Première paire de défenseurs avec Risto Lainen en ce moment à Buffalo. J'imagine qu'on va voir ce sujet de Beaulieu. Là. Ben oui, puis je vais crever la piste tout de suite. J'ai eu des informations cette semaine, la semaine passée ou cette semaine. J'ai eu des informations que j'ai essayé de valider auprès de plusieurs sources. Le but, c'est d'avoir un maximum de personnes qui confirment les informations. Et j'en ai su un peu plus sur la raison derrière la transaction de Nathan Beaulieu. Beaucoup de gens pensent party. Beaucoup de gens vont penser que c'est un gars qui avait pas une tête sur les épaules. Et tout ça n'est pas faux. Nathan Beaulieu était le genre de personne à consommer de la neige. Le Canadien de Montréal lui aurait signifié, lui aurait demandé à plusieurs occasions de se rapporter au programme de la Ligue pour la consommation de drogue. Il n'aurait pas accepté de le faire. Et à un moment donné, la formation a jeté l'éponge. Est-ce qu'on n'aurait pas dû le magasiner? T'sais, sachant que le gars était pour pas prendre cette décision-là, la bonne décision n'était pas pour la prendre. Est-ce qu'on n'aurait pas dû essayer de le transiger plus tôt pour avoir une bonne valeur? Parce que là, un troisième choix au repêchage qui a permis d'aller chercher un dude de Walford. C'est ça? Faudrait que je trouve. Là, c'est je ne me bon souviens choix, pas là. Du tout, mais... reste quand même qu'on n'a pas eu grand-chose. Je veux dire, pour... là. Beaulieu valait au moins un deuxième. Entre toi et moi. On a eu Scott Walford, un défenseur du Royal de Victoria dans la WHL. Je vais aller voir ses stats. Là. En ce moment, cette saison, 4 matchs de jouer, 0 point. Il est plus 2 l'an passé. 6 buts, 24 passes en 60 matchs pour 30 points. Choix de 3e ronde, 68e au total. Et ce qui m'a le... Ça, c'est pas tant une surprise. C'est le genre d'affaires d'informations qui couraient à propos de Beaulieu et du numéro 27 du Canadien de Montréal. C'est le genre d'infos qui circulent abondamment. Là où est-ce qu'il y a une surprise, c'est que c'est pas le seul joueur chez le Canadien de Montréal qui est aux prises avec ce genre de problème-là. Puis on parle d'un joueur qui, depuis le junior, s'est connu, qu'il a ces problèmes-là, et lui non plus, à la demande de sa formation, n'a pas voulu aller se reporter au programme pour la consommation de la Ligue nationale. Pour ne pas me mettre dans l'eau chaude, je dirais pas le nom du joueur. Mais disons que... Comment je dirais ça? Parce que là, je le sais, Jerry, que... Tu m'intrigues, là. Oui, moi. Je le sais. Je sais que je t'intrigue. T'intrigues tout le monde en ce oui, moment. Oui, puis je ne sais pas comment, je sais pas comment le twister pour pas brûler l'info, tu sais. Puis me mettre dans le trouble. Ben écoute. Sauve-moi, Jerry. Sauve-moi. Comment tu veux que je te sauve? Change de sujet. Change de sujet. Ben écoute, au moins si Baudu est plus là, ça donne la place à un autre jeune à Montréal, Victor Mété, qui est confirmé. Je suis bien changé de sujet, ça. Oui, oui, oui. Donc... Qui, selon ce que j'en sais, n'a pas de problème de ce côté-là. Non, en tout cas, pas de l'air. Il y a de l'air drette comme petit jeune, tu sais. Mais non, c'est ça. Dans le fond, Victor Mété commence la saison à Montréal à 19 ans. Je suis quand même assez content de voir du 109 à Montréal. Tu sais, aussi, il y a Charles Houdon. Mais ça, Charles Houdon, j'en ai parlé au dernier show. Il est à temps, puis maudit qu'il ne pouvait pas redescendre. C'était impossible. Mais pour ce qui est de Victor Mété, clairement pas le prototype de défenseur qu'on rechercherait ou que beaucoup de clubs recherchent, quoique ça porte un peu à changer. Mais le gars mesure 5 pieds 9, pèse 184 livres. On va se dire qu'à 5 pieds 9, c'est plus petit que Francis Bouillon. Puis on trouve Francis Bouillon très petit dans le temps. T'sais. Mais un peu comme Francis Bouillon, joue très très gros. Peut-être un upside beaucoup plus offensif que Beaulieu nous apportait justement, mais que Victor Mété va probablement apporter. Bon, probablement qu'il fait le club pour justement ce petit côté-là, parce que ça manquait aux Canadiens très grandement. On a vu que la relance était très, très difficile, mais Victor Mété apporte ce petit côté-là. Petit côté très offensif que j'apprécie énormément. Devrait commencer l'année aux côtés de Shea Weber, qui peut être un très très bon mentor pour un jeune comme lui, autant pour l'éthique de travail que pour l'aventure dans la Ligue nationale qu'il va entreprendre. Mon petit bémol, c'est que j'ai peur qu'il fasse que 9 matchs. Je pense que c'est ça, c'est 9 matchs maximum, sinon son contrat embarque. Oui, exact. Donc, d'après moi, j'ai un feeling qu'à 9 matchs, il va redescendre en bas, puis ça va peut-être contrôler aussi avec un retour de David Chlemko. Bon. Est-ce que je préférerais garder un Victor Mété toute l'année, malgré qu'il soit jeune, qu'il apprenne, tant mieux, moi c'est ce que je préférerais, que le fameux David Chlemko, David Chlemko, tu vois, je m'en ai oublié son nom, tu sais. oui, je préférerais garder Victor Mété, parce que justement, il y a 19 ans, si tu veux rentrer directement dans un certain moule, puis profites-en, t'as Shea Weber qui est là pour l'aider. Mais bon, moi, je suis sûr qu'il fait 9 matchs, puis il descend en bas, puis encore là... Ça va juste permettre de compenser la perte de Chlemko, parce que la vie, tu sais, l'opinion de Marc Bergevin était faite avant même le début du camp d'entraînement. Rappelez-vous, au tournoi de golf, il avait dit, le spot à gauche de Weber, c'est à Chlemko. Le but, c'est que ça soit lui, sinon on va y aller avec un comité. Loin de lui, je pense, à ce moment-là, l'idée que Victor Mété puisse lui forcer la main. Heureusement, c'est arrivé pour le Canadien de Montréal, parce que je vois difficilement qui aurait pu se ramasser à ce place-là. D'ailleurs, juste mentionner, j'ai eu une longue discussion avec Francis Gravel, notre page Facebook, au courant de la journée, sur le sujet. Super discussion, Francis, c'est un gars que je connais depuis quand même assez longtemps. Super dans le respect, on a échangé des arguments super intéressants. Et il y a Donald Chéné qui a popé dans la discussion à un moment donné, qu'on salue, c'est un auditeur, un fervent auditeur du show. Et moi, je faisais valoir que si le Canadien enlève les mouvements de personnel en défensive là, des deux dernières années, on aurait pu avoir Subban, Sergachev, Osner, Petrie, Ben, grosso modo, puis encore... Mais surtout, Beaulieu et Mété et Yulson. La défensive du Canadien de Montréal aurait pu être une super bonne brigade défensive pour les 10 prochaines années. Au lieu de ça, on se ramasse avec des points d'interrogation partout dans cette brigade-là. Et heureusement, on a Mété qui débarque de nulle part et qui vient se quêter un poste. Puis on n'est même pas sûr qu'on va le conserver. Là. Mais qui vient... j'étais au match contre la Floride, là. Il était avec Jordy Benn, et je vois, grosso modo, là, l'objectif du Canadien de Montréal à ce moment-là, c'était pas de donner un match de plus. Jusqu'à maintenant, à ce moment-là, il avait été le meilleur défenseur de la brigade du Canadien de Montréal, outre chez Weber. Osner, Petrie, c'était ordinaire à certains soirs, commençait à se replacer. Ben, on voyait ses limites pas à peu près parce qu'en match pré-saison, contre des petits jeunes, c'est permis d'y aller d'une manière de jouer plus offensive en dehors de ses marques et de ses habitudes, et s'est fait pincer. Il n'y avait rien qui allait bien, aucun joueur, pas dans les nouveaux là, de la défensive du Canadien, il n'y en a aucun qui semblait vouloir aller chercher le spot de deuxième défenseur de l'équipe, aucun qui avait le mort aux dents. Morrow, ça marchait pas, Strait, ça marchait pas, et Victor Mété était donc le deuxième défenseur en termes de performance du Canadien de Montréal, puis voire le premier à certains soirs. Le match contre la Floride, l'objectif du Canadien de Montréal, comme je le dis, c'était pas de lui donner un match supplémentaire. L'objectif, c'était de le mettre justement avec quelqu'un qui avait un camp ordinaire. Pas pour faire la spark plug, là. Pas pour le booster, Jordy Benn. Non, pour qu'il soit confronté à des situations de jeu où est-ce qu'il serait dans le trouble. Un, pour le voir réagir. Deux, pour qu'il fasse des erreurs et qu'on ait une excuse pour pouvoir le renvoyer dans le junior. Le petit maudit, il a tout fait sur la glace. C'était impressionnant, sans le... Tu sais, il y a un cut and paste là, à la TV, là, on change de caméra, puis on te montre toujours la rondelle, mais tu peux pas suivre un gars tout un match à la TV. Impossible. Les changements de caméra, puis Victor Mété dans une aréna, là, c'est une glace, tu le remarques. C'est le plus petit, il est en arrière, il est à gauche, puis il se promène vite, tu le manques pas. Là. Il arrive sur la glace, tu vas le spotter comparativement aux autres. Fait que j'ai passé la game à spotter Victor Mété, et c'était impressionnant comment ce qu'il a réussi presque à chacune des occasions à réparer toutes les gaffes de Jordy Benn. Le défenseur de presque 30 ans, la grosse barbe, le gars qui est établi dans la Ligue nationale, se faisait ramasser à petite pelle par le kid de 19 ans, jamais établi dans la Ligue nationale, qui se bat pour un poste, puis c'est lui qui réparait les erreurs de l'autre. C'était impressionnant. Ben, ça joue pour lui, puis... Tu sais, on va se dire que moi, je dis qu'il reste 9 matchs, mais s'il finit, mettons, il en joue 5, il y a une passe à chaque match, il finit genre plus 2, puis que ça va tout le temps en main, puis qu'il fait bien paraître chez Weber, tout est possible, rendu là. Tout est possible. Mais j'ai des gros doutes, puis j'ai le feeling que même s'il performe aussi bien, que ça va bien, qu'il enchaîne les bonnes prestations. J'ai le feeling que, comme tu as dit un peu, c'est déjà préétabli qu'il retourne avec les Knights de London pour, ils vont sortir la cassette de « Oh, c'est bon pour son développement, on veut qu'il joue beaucoup. » On se dit tout que si tu nagues chez Weber, il va jouer toute l'année, 20 minutes minimum. Là. Puis c'est un gars offensif, fait qu'il va avoir du power play aussi. S'il développe une cohésion avec chez Weber, je veux dire, tu peux pas le défendre. Puis ça se voit des défenseurs là, qui commence la... C'est rare, là, mais qui commence à 18 ans. Lui, on a 19, puis... À date, ça va bien, tu sais. Mais encore là, je me garde les réserves. Je suis pas convaincu. Comme ça, s'il reste, ils vont être contents, mais j'ai le feeling qu'ils vont être déçus, tu sais. Parce que le Canadien, tu sais. Ouais. Ça sera pas facile, tu sais, autant pour Métis que pour le Canadien de Montréal. Si l'objectif, c'est de rendre, pour Mété, là, c'est de rendre la décision le plus claire possible. Il ne peut pas avoir une mauvaise période. Il ne peut pas avoir un mauvais chiffre pendant ces 9 matchs-là. Et c'est arrivé, là, Stéphane Matteau, l'ancien du Canadien, ben là, avec le Rocket maintenant, Stéphane Matteau... Non, même pas, je pense que Stéphane Matteau n'appartient plus au Canadien. Il n'est plus avec le Canadien. En tout cas, il a appartenu au Canadien de Montréal. Stéphane Matteau, sa première saison avec les Devils de New Jersey, avait dépassé le cap des 9 matchs, avait joué, je pense, ses 13 ou 14 matchs, et on avait fini par le renvoyer. On a brûlé une année de contrat, mais gars, à un moment donné, si le kid n'est pas prêt, si c'est pas bon pour lui, renvoie-le. C'est possible. Rien n'empêche, mais tu ne l'envoies pas dans la Ligue américaine, tu le retournes dans le junior. C'est le 9 matchs, c'est simplement pour le fait de brûler ou non une première année de contrat professionnel. C'est d'éloigner... dans le temps, le moment où est-ce qu'on va devoir leur signer comme RFA. grosso modo, là, c'est ça la technicalité. Là, c'est pour ça qu'on parle de 9 matchs. Victor Mété ne peut, avant ces 9 matchs-là, puis en fait, je pense qu'avant un méchant bout dans la saison, ne peut pas se permettre aucune présence sur la glace ordinaire. Ne peut pas se permettre d'être pris sur un mauvais jeu, d'être la cause d'un but, parce que rapidement, on va le tasser, comme ça a toujours été le cas dans la Ligue nationale. On nous dit que c'est pas une ligue de développement. Il y a des clubs qui le font puis que ça leur réussit, mais le Canadien de Montréal n'est pas un club de développement. Et à moins de 10 secondes, un recrue qui fait une erreur over un vétéran va toujours payer la note plus chère que le vétéran. C'est sûr. En même temps, c'est plus Michel Therrien. Ben, c'est quand même hâte de voir. Tu sais que Claude Julien, une des raisons pour laquelle il s'est fait congédier, c'est qu'on trouvait chez l'état-major qu'il ne faisait pas assez jouer les jeunes. Ah. Mais il voit un certain Torrey Krug en Victor Mété. Oui, mais ça l'empêche pas de voir des comparables avec des gars. Puis je dis pas Claude Julien faisait pas jouer ses kids. Je te dis que l'organisation, l'état-major, considérait que... Puis ça se comprend, là. Ils ont certains vétérans très, très âgés. Exemple, leur capitaine, qu'il faut amener que tu remplaces. Puis tu peux pas remplacer un gars si tu donnes pas du temps de glace à d'autres pour prendre du vécu. Ben, ça a amené les Bruins dans cette position-là. Je te dis ce qu'on y a pointé, tu sais, on y a mis le nez dans son caca, puis ça a l'air que son caca comprenait le fait de pas faire jouer assez de kids. Après ça, est-ce que Claude Julien avait ses raisons? Certainement. S'il croyait que les vétérans lui permettaient d'avoir plus de victoires et ainsi de prolonger son règne en tant qu'entraîneur-chef, ben, je le comprends de l'avoir fait. Puis je le comprends aussi, si tu dis, si on établit le constat que tous les entraîneurs-chefs, à un moment donné, vont se faire congédier, ben, aussi bien de mourir avec tes décisions que de mourir avec les décisions d'un autre. Alléluia. C'est sûr. Ouais. Donc, Victor Mété, de nouveau numéro 53. Je pense qu'il va être moins pire que Ryan White côté pénalité. J'espère aussi. Ça devrait. En tout cas, il devrait moins se battre. Sinon, je ne sais pas contre qui peut se pogner. Quelqu'un de sa grandeur, ce qui est assez rare. Ben, il ne se battra pas. Mettons qu'il fait toute la saison. D'après toi, là, on spécule. On peut s'attendre à quoi comme performance? En termes de points, va-t-il finir sur la première paire avec Shea Weber ou il va finir par descendre sur une troisième paire? Parce que là, je pense que le duo numéro 2 est pas mal béton. Osner puis Petrie, je pense pas que ça bouge bien bien. Ben, moi je le ferais jouer tout le temps avec Shea Weber, là, surtout pour le côté qui est plus rapide qu'un Shea Weber, qui a une meilleure relance que Shea Weber. Tu sais, il bouge mieux la rondelle en tant que tel, puis il est offensif, tu sais. Fait qu'il va être touché en maudit à la petite palette en caoutchouc. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas trop non plus s'attendre à comme un 40 points, là, c'est impossible. Mais tu sais, je pense que ça serait très respectable s'il irait entre 15-20 points. Peut-être un 5 buts. Ça, c'est rien d'intense, mais c'est sûr qu'il va faire. Tu sais, il est déjà un peu à fond son net. On le voit avec son but qui est scoré. Fait que tu sais, ça va probablement ressembler à des affaires comme ça. Je pense pas vraiment qu'il a démontré une certaine garnotte. Là. On va la garder vraiment plus pour Shea Weber, mais sinon, en tant que tel, ouais, 15-20 points, je pense que c'est possible s'il joue toute l'année. Là. Sinon, en un match, moi, je dis 2 points. Et avec 2 points, est-ce que c'est suffisant pour maintenir son spot? Non, mais... moi, je pense pas, là. Non, mais c'est sûr que non. Mais quand même, il va peut-être faire d'autres choses. Mais 15-20 points, je trouve ça très intéressant comme spéculation. Par contre, pour un premier duo et être le gars offensif sur le duo, je trouve ça un peu mince pour le Canadien de Montréal. Mais bon, si t'as pas personne d'autre, comme on le voit en ce moment, pour prendre le spot, ben regarde, tu vas faire avec. Et ça me ramène à Beaulieu, même s'il y avait des problèmes de neige, t'es capable de mettre 30 points sur le compteur sur une troisième paire. Est-ce que ça aurait pas été mieux avec Weber? Puis pourquoi? Puis encore, je me le demande, puis j'ai pas la réponse. Mais pourquoi on n'a pas persisté? Est-ce que Weber voulait Weber jouer avec Beaulieu? Non, mais Weber voulait peut-être pas jouer avec. On se souvient au début de l'année qu'il avait fait de quoi un moment donné. Il n'y a même pas une altercation, mais tu sais, comme Weber l'avait regardé un moment donné là, solide, pour qui je pense qu'il faisait des push-ups parce qu'il avait menti son shot. Là. Oui. Oui, puis Weber avait fait, les avait faites, puis le kid, lui, voulait pas y faire. Ouais, tu sais, est-ce que ça a mal parti la relation entre les deux? Peut-être que c'est chez Weber qui dit non, je veux pas jouer avec, là. Je veux pas jouer avec ce gars-là. Donne-moi n'importe qui d'autre, mais lui, il veut rien savoir, puis moi, je veux rien savoir de lui. T'sais. Ça, c'est des trucs qu'on saura jamais parce que c'est en arrière des portes. On m'a posé une petite question. Mettons que c'est ça. Question bien simple. Est-ce que c'est du bon leadership de faire ça? Ouais, pas tant. Mais en même temps, il y a du monde que t'as bien beau avoir du leadership. Là. T'as bien beau essayer de reprendre tes placés. T'as bien beau faire ce que tu veux. Ça ne marche jamais. Là. Puis tu sais, Beaulieu, ce qu'il a sorti d'ici, c'est probablement, comme tu dis, les problèmes d'attitude, tous les problèmes entourant dans sa vie personnelle ou peu importe. Probablement que ce gars-là voulait juste à rien savoir. Puis moi, je te l'ai dit, là, je pense que c'était l'année passée, le dernier show, peu importe. Là, je t'avais dit que Beaulieu s'est sorti de Montréal le jour où ce qui avait été mis sa passerelle, puis qu'il avait dit « J'ai absolument rien appris. » Ça, c'est le genre de moment où tu utilises la cassette préétablie. Ouais, puis tu dis ce qu'ils veulent entendre. Ben, c'est ça. Sérieusement, à ce moment-là, c'était « Ferme ta gueule, puis dis ce qu'on veut que tu dises. » Puis c'est juste logique, puis je comprends pas qu'il ait pas compris ça. T'sais, ce gars-là s'est sorti de Montréal à cause de tout ça. Probablement, comme tu dis, tous les trucs en entour, mais quand même, ce gars-là, probablement que à Montréal, pas à Montréal, mais à Buffalo, là, s'il joue sa première paire tout le temps, qu'il engendre des points, tant mieux. Puis qu'il dise n'importe quoi, tant mieux. T'sais. Si ça va bien là-bas, là, profite-en, puis fente-t'en. C'est tout. Ben, profite de ce que t'as là, là puis ça va bien aller. Là. Buffalo est la ville, semble-t-il, la plus plate du circuit, puis je peux comprendre. Tu sais, on parlait de Rochester, ben imagine, c'est la banlieue de Buffalo qui est la ville la plus plate de la Ligue nationale. S'il y a un spot qui peut calmer les ardeurs de Beaulieu, c'est bien là. En même temps, il va rejoindre Evander Kane. Ka-ching! Je sais pas, là, si vraiment les problèmes sont aussi intenses et qu'il ne se ressaisit pas lui-même, c'est peut-être pas le meilleur spot ou le meilleur coéquipier pour le ramener sur le droit chemin. Ben bon, anyway. Mais en même temps, il est pas à Montréal, fait que c'est plus notre problème. Oui, c'est ça, mais... Tu sais. Tu sais, je serais franchement heureux s'il pouvait se ressaisir puis avoir la carrière que je vois en lui puis que ce genre de défenseur-là, avec les qualités qu'il a sur la glace, est capable d'avoir. Pour le gars, j'aimerais ça. Puis aussi pour me conforter dans mes impressions sur la qualité de joueur qu'il aurait pu être avec le Canadien de Montréal. On a vu passer quelques petits éléments sur dans l'actualité de la Ligue nationale. Exemple, le contrat de Jaromír Jágr avec les Flames de Calgary. Et là, ben, bien entendu... La machine à discussion s'est enflammée en impliquant Jágr et le Canadien de Montréal. Et votre humble auditeur, pas auditeur, mais serviteur que je suis, n'a pas aidé. J'ai mis de l'huile sur le feu aussi en demandant Emski à 1 million ou Jágr à 1 million? Écoute, si tu le faisais pas, je le faisais. Fait que rendu là, là. honnêtement, poser la question, c'est un peu y répondre. Une légende vivante qui en met quand même 46 à 45 ans ou Emski? Ben, Jágr avance plus. Emski avance. Est-ce que Jágr avance plus avec du feu dans les yeux? Oui. Est-ce que Emski avance avec le cordon du cœur qui traîne à terre? Pense que oui. Qu'est-ce qui est le mieux? En avantage numérique, tu veux Emski alors que tu sais que ça circule pas bien bien ou Jágr avec sa protection de rondelle puis ses instincts offensifs? Ben, c'est ça que je te dis. Donc, poser la question, c'est y répondre. Tout à fait. Mais oui, oui. Non, je faisais juste rajouter à l'argumentaire qui amène à cette réponse-là. Je veux dire, Jágr, c'est Jágr. Je veux dire, même s'il avance plus, même s'il serait moins bon un peu que Emski, reste quand même que l'expérience que ce gars-là a dans la Ligue nationale, ce qu'il peut apprendre à tous les joueurs, et là, quand je dis tous les joueurs, c'est même Pacioretty, c'est même Shea Weber, c'est même Carey Price, ce gars-là peut clairement aider n'importe quelle équipe. Et honnêtement, bravo aux Flames de lui avoir accordé un contrat, parce que eux autres ont probablement compris qu'ils ont des jeunes qui ont besoin de cette expérience-là pour grandir dans la Ligue nationale. Les Flames est une bonne jeune équipe avec des joueurs qui prennent de plus en plus de place. Si ce gars-là peut épauler un Sean Monahan pour que Sean Monahan devienne le prochain capitaine de l'équipe pour très très longtemps, s'il peut épauler des Johnny Gaudreau pour que justement il soit encore meilleur qu'il est déjà, il peut aider la défensive même avec son expérience. Les Dougie Hamilton qui sont déjà très bons peuvent juste s'améliorer. Je te dis, je pourrais continuer pendant je sais pas combien de temps. Ce gars-là connaît la game comme personne d'autre présentement dans la Ligue nationale. Moi, il y a guerre à Montréal. C'est sûr que ça allait jamais arriver. Il y a tout le temps un peu d'espoir, mais je pense que justement, c'est le cadeau de l'expérience que ce gars-là peut apporter. Puis il y a 1 million. Là. Hey, what a joke, là, pour vrai. Moi, j'aimerais ça que les Canadiens, juste, tu sais, pour l'histoire, là, à la fin de la saison, on fait signer un contrat d'une journée à Yager juste pour qu'il mette fin à sa carrière dans le jersey du Canadien de Montréal puis qu'on puisse le hisser de manière non officielle dans les hauteurs du Centre Bell. Ouais, mais ça arrivera pas. Mais ça arrivera pas. Ça serait une belle histoire, comme on a fait avec Tretiak, qu'on a fini par repêcher. Il avait mis fin à sa carrière. Choix de 9e ronde, tu repêches Tretiak. Tretiak a évolué entre guillemets, pour le Canadien de Montréal. L'histoire est belle. Merci, bonsoir, tu sais. J'aimerais ça. Il y a un côté romantique en moi. Le romantisme du sport qui s'exprime. J'aimerais ça. Mais le pire, c'est que Yager pourrait surprendre cette année. Je vous ai quand même fait 46 points l'année passée. 46 l'an passé en 82 matchs. Avec les Panthers. Oui. Sans Huberdeau, sans il y avait plusieurs blessés. Une relance qui était plus difficile par les défenseurs. L'année d'avant, 66 points en 79 matchs. À 66 points cette année-là, il aurait été le deuxième pointeur du Canadien de Montréal. À l'âge vénérable de 43 ans. Non, on ne sait pas trop avec qui va jouer avec les Flames, mais d'après moi, c'est du top 9. Ça, c'est assuré. Oui, ben, de ce que j'entendais, là, puis les spéculations, ça serait sur le trio avec Sam Bennett, qui est un jeune joueur de centre. Tu sais, il donnait du. Tu sais, Monahan et Gaudreau vont jouer ensemble, Bennett et Yager sur une troisième ligne. Écoute, comment c'est diversifié, là? Ouais, pas juste ça, ça va être. L'offensive va être menaçante sur trois trios. Ouais. Bennett commençait à peut-être un peu s'enfarger. Puis moi, Sam Bennett, j'adore le joueur qui pourrait devenir si justement il prend vraiment son envol. Qui de mieux pour aider Sam Bennett? Mm-hmm. Il y avait, tu sais, la journée où est-ce que c'est arrivé, j'écoute toujours le podcast On jase de Martin Lemay. Je trouve ça super le fun, belle dynamique, ça roule bien, le show. Pas toujours d'accord avec leur opinion, mais le sport, c'est ça. C'est des opinions, puis c'est bien correct. Par contre, parfois, ils avancent des arguments que je fais comme me semble que ça ne tient pas tant que ça. Et ils disaient, pour mettre fin, grosso modo, à la discussion Emski ou Yager, ils disaient ouais, mais au moment où est-ce que Emski a signé, peut-être que Yager ne voulait pas 1 million. Je comprends, l'argument fait du sens quand il pense de même. Mais en réalité, est-ce que ça pressait tant que ça d'aller chercher ton joueur d'utilité numéro 14 de ton alignement? Non, c'est sûr. Est-ce que vraiment, Emski, t'aurais pas pu y aller avec un PTO ou un autre joueur dans la Ligue nationale, puis voir le camp d'entraînement, puis après ça, signer un contrat ou non au gars? Puis c'est pas Emski, là. A-t-il si bien fait durant les matchs pré-saison pour valoir, tu sais, assurément le poste de 14e attaquant? Moyen, mettons. Ou de 13e, là, dépendamment comment tu montes ton alignement de 23 joueurs qui sont habillés. Mais moyen, tu dis. Moyen plus, là. Ordinaire, c'est un moyen temps, là. Encore une fois, j'ai l'impression que Marc Bergevin, pour ces éléments là qui viennent cimenter, ces compléments d'informations, là. Ces engrenages-là de fignolage, ça, ils se dépêchent tout le temps d'y signer. Mais les joueurs de premier plan, les vrais gros éléments de son équipe, c'est pas ce qui presse habituellement pour Marc Bergevin. Puis je comprends pas cette méthode de faire-là. Non, c'est spécial. C'est bien plus facile de faire comme « Hey, Amski, il n'y a personne qui te veut, je t'offre un contrat à 600 000 one way ou un PTO que d'essayer d'aller chercher un 1 million de dollars sa négociation avec une vedette à la, mettons, Drouin. » Tu sais, la formation des Blackhawks de Chicago, c'est pas sur les contrats de Kane et Taze là, qui sont allés faire des économies. C'est pas sur ces contrats-là. C'est sur les joueurs de soutien qui vont aller faire patcher leur équipe puis faire des contrats plus avantageux pour être capable d'avoir une structure financière qui leur permet de fuiter sous le plafond salarial. Il me semble que c'est à l'envers que dans le cas de Marc Bergevin. Ben, tu sais, comme tu l'as déjà dit, lui-même était un joueur de soutien. Fait qu'il y a probablement plus une mentalité de j'ai besoin de joueurs de soutien. Ce qui fait qu'on est plein de joueurs de soutien. Ouais. Il y avait un texte cette semaine que je trouvais très intéressant. Mathias Brunet sur son blog, c'est en date du mardi 3 octobre. Si vous voulez, là, vous allez pouvoir le retrouver assez facilement. Il va d'une énumération des bons coups et des mauvais coups de Marc Bergevin. Et il pose la question, là, est-ce que Marc Bergevin joue son poste? Question qu'on s'est déjà posée sur le show. Moi, je spécifiais, je pense qu'il joue son poste selon sa brigade défensive, selon les performances de cette brigade-là, parce que l'attaque, ça n'a pas tellement changé. C'est encore pas mal les mêmes éléments, à part Drouin qui est un plus versus Radulov, tant qu'à moi, mais ça reste pratiquement du pareil au même. Ce qui a vraiment changé, ce qui a eu du mouvement de personnel majeur, c'est la défensive. Alors, je pense que c'est là-dessus que Marc Bergevin devra être évalué. Fait que, si tu me le permets, Jerry, j'irai avec une lecture des bons coups, puis on évalue, OK? Go. Puis après ça, on va se faire les moins bons coups, puis on évalue aussi. Premier bon coup, l'embauche de Stéphane Wade comme entraîneur des gardiens et le vote de confiance qu'il a fait à l'endroit de Carey Price dès son entrée en poste. Pas mal d'accord. Ouais, c'est un bon coup, hein. Ouais. Mais c'est pas ça. Tu sais, théoriquement, c'est pas ça de là, ça. C'est un entraîneur. Mais OK, fine. On achète. Autre bon coup, l'acquisition de Philippe Dano en retour de Thomas Fleischmann et Dale Weeks, deux joueurs de location. Ben ouais, effectivement. Il est jeune, puis il performe très bien. Pas dans la bonne chaise, mais quand même capable de faire une bonne job. Ouais. Troisième, acquisition de deux choix de deuxième ronde en retour de Lars Seller. Ça, c'est un vol en plein soleil, là. Oh, ouais, solide. Ça n'avait pas de bon sens. Le problème, c'est qu'il a rééchangé, pas les mêmes choix, mais deux choix de deuxième ronde pour Andrew Shaw. Ce qui est aussi un vol en plein jour par les Blackhawks de Chicago. Je la comprends pas encore. Fait que ça s'annule. Ça s'annule. Tant qu'à moi, ça s'annule. Il dit là-dessus, puis il dit que c'est un bon coup. Il dit que l'un des choix a permis de repêcher Johnny Ikonen, qui joue dans son pays natal en ce moment. OK, mais tu sais, en ce moment, ça n'a pas d'impact sur le club. On verra éventuellement si ça a vraiment joué. Et l'autre choix, en 2018, c'est celui qui est dans la transaction pour Sergachev-Drouin. Si Sergachev joue 40 matchs, on ajoute le choix de deuxième ronde. Ce que je comprends toujours pas encore. Là. Il me semble que s'il jouait pas, tu compenserais. Mais s'il joue, ça veut dire que c'est un bon coup. Puis là, tu compenses. Hein. Je comprends pas cette logique-là, mais bon, c'est impliqué là-dedans. Fait que je sais pas jusqu'à quel point c'est un bon coup. Là. Il me semble que c'est en deux teintes, là, cette transaction-là. Avec les deux choix de deuxième rond. Ensuite, il dit réclamer Paul Byron au ballottage. Quand même le deuxième buteur du Canadien de Montréal l'an passé. Un feu de paille, mais quand même. Un feu de paille. Cette année, quatrième trio, hein, soit dit en passant. Ouais. Ouais, mais ça va monter. Ben, j'espère. Quatrième point, cinquième point. J'arrête de compter, je suis plus sûr. Prolongation de contrat de Max Pacioretty à son entrée en poste. 6 ans, 4,5 millions de dollars par année. Un contrat très, très, très, très, très avantageux pour le Canadien de Montréal. Ouais, vraiment. Même si Sylvain dit que c'est le marqueur de 30 buts le moins utile de la Ligue nationale. Ce avec quoi je suis assez d'accord jusqu'à un certain point. Mais au moins, il ne paye pas 7 millions. Mais au moins, il ne paye pas 7 millions. pas encore. Ça viendra peut-être, et là, ça sera encore moins une bonne une bonne signature. Autre point, l'embauche d'Alex Radulov pour 1 an. Ben, c'est un 50-50. C'est un bon point dans le sens que il a déniché un bon joueur pour une saison. Ça, c'est oui. Bon versus Semin, mais... Il l'a perdu. Ben oui, c'est ça. Si ça avait été plus qu'une saison, ça aurait été bon. Mais bon, hein, regarde. C'est... Moi, je pense que c'est un 50-50, là. C'est ça. Ensuite, il dit l'acquisition de Jeff Petrie contre un choix de deuxième ronde. Si Lars Seller valait deux choix de deuxième ronde, Petrie a un choix de deuxième ronde, très bon trade. C'est un vol, ça aussi. Bon, après ça, le fait de le signer aussi cher, aussi longtemps, pour un défenseur 3 ou 4e, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est bon, mais... C'est peut-être le marché aussi, tu sais. Le trade est avantageux. Ouais, c'est ça. Imagine si on n'aurait pas Petrie. Si on n'avait pas Petrie, si on n'avait pas Petrie, ça pourrait être plus du trouble. Oui, effectivement. Ça, c'est sûr. Ensuite, il dit échanger Josh Georges à 3,9 millions au Sabre contre un choix de deuxième ronde. Ben d'accord. Puis là, il contrebalance son point en disant malheureusement, le choix a été offert dans la transaction pour les Hawks pour obtenir Shaw. Et j'ajouterais qu'il a donné le 3,9 millions de salaire à Andrew Shaw, ce qui annule toute la patente. Ouais, effectivement. Tu sais, Andrew Shaw est solidement trop payé pour ce qu'il apporte pour le Canadien de Montréal. En plus d'avoir payé deux choix de deuxième ronde pour, c'est très, très, très, très cher pour le genre d'apport qu'il amène à la formation jusqu'à maintenant. Et là, ceux qui disent « Ah, il va s'en reprendre cette saison-ci », ça serait à peu près temps. On serait dû, là. Ouais. Ensuite, il dit l'acquisition de Vanek pour Kohlberg et un choix de deuxième ronde. J'avoue que très bonne transaction. Ce que moi, j'ai de la misère dans ça, c'est que les médias ont tout fait pour dire que Vanek n'avait pas été bon avec le Canadien de Montréal, alors qu'en série, c'est lui qui avait permis que René Bourque soit sur un troisième trio et ait les playoffs qu'il a eu. Et a permis de se rendre en finale de conférence jusqu'à la blessure de Carey Price. Mais... Vanek, là, il a... Comment je peux dire? Je pense que c'est vraiment plus avec le coach, mais je pense qu'il a tout le temps eu des problèmes avec les coachs. Ben, c'est un gars qui a de l'air lâche as fuck. Non, mais c'est ça. Puis il y a eu un problème, dans le fond, au Minnesota, c'était un peu ça, là. Le coach, là, il était comme plus capable. Mm-hmm. Il s'est fait racheter. À Montréal, il n'a pas été signé parce que probablement Michel Therrien ne l'aimait pas. Je sais pas. Ben, c'est un bon coup, mais j'aurais aimé ça quand même qu'il le garde. Puis, tu sais, après ça, on a vu dans les autres années. L'année passée, il était à Détroit. Il a fait la Détroit, Floride pendant 20 matchs, là. Ouais. Ouais, ça a quand même bien été, là. Mm-hmm. Tu sais, cette année, je pense que le gars va peut-être avoir une bonne saison avec Vancouver, qui, on va se dire, Vancouver, ça fera pas série, ça, cette année. Là. Vancouver, c'est un cimetière à vieux, à vieil attaquant, là. C'est ça, mais je pense que Vanek peut quand même sortir du lot un peu là-bas. Je pense. Il peut tirer son épingle de jeu, ça c'est sûr, mais ça a jamais été le gars avec le plus de... volonté, mettons. Ouais. Toujours surfer pas mal sur son talent, mais le temps qu'il était avec Montréal, 15 points en 18 matchs de saison régulière et 10 points en 17 matchs de playoff, oui, la cadence est moins élevée. Par contre, comme je disais, c'est que ça a permis à d'autres joueurs d'échapper à la couverture des meilleurs éléments défensifs de l'autre club. Ça a permis de replacer tout le monde dans la bonne chaise. René Bourque a eu les séries de sa vie puis a surfé là-dessus pendant des années pour avoir des contrats dans la Ligue nationale. Parce qu'on le disait clutch en playoff, mais le clutch qu'il y a eu, c'est à cause de Vanek. Ouais. Fait que je trouve que le traitement médiatique qui a été offert à Vanek était pas tout à fait juste par rapport à ce qu'il a amené à la formation. Mais bon. Ensuite, il dit, c'est l'avant-dernier point positif. Il dit, acquisition de Jordy Ben pour Greg Patrin et un choix de quatrième ronde. C'est vrai que Ben, pendant... Écoute, l'an passé, Jordy Ben, c'est une trentaine de matchs, a offert de bons services aux Canadiens. Mais cette année, ça reste à avoir 13 matchs. 2 buts, 0 passes, 2 points, moins 1. Tu sais, je veux bien, là. Tu sais, quand l'acquisition de Ben est un des bons coups de ton DG en 5 ans, pose-toi des questions, là. Jordy Bend est un 5e/6e défenseur. Arrêtez, là. Puis encore là, dans certains clubs, c'est un 7. Hein? Ben oui. Puis le fait de le protéger au repêchage d'expansion, pour moi, ne fait aucun sens. Ça montre comment est-ce que le club était faible en défensive. Il y avait plein de trous partout. Fait que ça me fait un peu capoter de mettre ça dans les points positifs. Un gars qui a 13 matchs en saison régulière avec le Canadien sur un échelon de 5 ans. Faut que tu veuilles, là. Faut que tu veuilles trouver du positif pas à peu près. Ensuite, dernier point, il dit échanger Rick Cole contre Michael Ryder. C'est surtout un move comptable. Là. Bergevin a sauvé du salaire pendant 2 ans qui était pour offrir à Eric Cole, qui finalement a été racheté. Que ça ne tentait plus un moment donné de jouer au hockey. Ça ne tentait plus d'être à Montréal. Fait que, ben, heureux, il n'a pas été échangé. Il a été échangé, mais éventuellement, il a été racheté. Ouais, OK. Mais tu sais, Eric Cole, c'est un bon move pareil. Je veux dire, à Montréal, c'était bon. Là. C'était cool quand il était là. Il a joué une saison complète, 61 points avec le Canadien. Ensuite, la saison d'après, 6 points en 19 matchs. Il avait demandé à être échangé. Et c'est ça. Là, après ça, là, il s'est promené Dallas puis Red Wings. Puis ça n'a jamais été à la hauteur des... ce genre de gars que la motivation n'était plus là. Il joue plus. Il est rendu à 38 ans, mais il joue plus. Depuis 2014-2015 que c'est terminé pour lui, l'aventure dans la Ligue nationale. Je pense qu'il jouait encore pour le cash, mais je pense que le cœur était plus là. Ouais, c'est ça. À ce moment-là. Bon, ça, c'était des bons coups. Fait que 5 ans de règne, voici les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bons coups de Marc Bergevin. Puis là-dessus, on a nuancé quelques-uns, puis on a annulé, moi, je pense que celui de Jordy Bend, là, on peut l'annuler. Là. 13 matchs... Il me semble qu'un bon coup, là, on peut se garder une petite chaîne. Les moins bons coups. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es-tu prêt? Ouais, vas-y. OK. Premier mauvais coup. Céder 2 choix de 2e ronde pour obtenir Andrew Shaw. Ouais. Donner un contrat de 6 ans à 3,9 millions par saison. Et en plus, pis ça, ben, ça tombe dans la spéculation, mais je trouve ça très intéressant. L'un des choix a permis à Chicago de repêcher Alex DeBrincat, qui va faire le club à Chicago cette année, si je me trompe pas. Ouais, il a passé. Chouette 2e ronde, l'an passé, déjà dans la Ligue nationale, à 19 ans. On aime ça, là. Mais tu sais, est-ce que le Canadien aurait repêché Alex DeBrincat? Non, puis c'est un gars de 5 pieds 7. Trouver Mettez petit, Alex DeBrincat est petit en bâtisse. Ouais. Je suis sur le bord d'être plus grand que lui. Ça, c'est petit. Ça marcherait pas, Montréal. Non. Ensuite, échanger Sven Andrighetto contre Andreas Martinsson, qui, lui, a été envoyé dans les mineurs et en plus, là, a été échangé contre Bin, c'est quoi? C'était quoi son nom? Bond, B-A-U-N, c'est ça? Ouais, pas Bond comme James Bond. Non. Bond comme Bond. Comme, c'est ça. On ne parlait plus qu'il en mérite. OK. Ouais, effectivement. Ensuite, céder Barberio au balotage pour faire place à Nesterov. Barberio, sans être la plus belle invention depuis le pain tranché, aurait toujours bien été mieux que Nesterov. Puis même cette année, il aurait été bon, le Barberio à Montréal. Même cette année, il aurait pu offrir des services intéressants aux Canadiens. Et voilà. Je l'avais oublié, lui. Tabarouette. Hey, ça fait mal. Le Colorado, moi. Avec le Colorado, l'an passant, 34 matchs, 2 buts, 7 passes, 9 points et moins 6. Il faut dire que le Colorado, c'était pas un gros char, là, mais... Mais il est quand même bien fait. Ben oui, quand même. Tu sais, mais cette année, il va jouer dans la Ligue nationale encore, alors que... c'est ça. Nesterov, ouais. N'y est plus. Ensuite, on dit contrat de 2 ans, 12 millions pour Tomáš Plekanec. Je pense qu'on peut pas trouver que c'est une bonne idée, cette histoire-là, ça c'est sûr. Départ d'Andrei Markov et surtout surestimer ses éventuels remplaçants. On est pile dedans. Et dernier point, Al Montoya a été préféré à Mike Condon. Ah non, ça c'est... Je comprends pas encore. Mike Condon, très bien fait. Surtout à Ottawa l'année passée, ça y a mérité un bon... un renouvellement de contrat. Quand Greg Anderson n'était pas là, Mike Condon remplissait très bien. Meilleur que Hammond. Tu sais, celui là, qui ont empêché d'aller chercher un McDavid, maintenant. Ouais. Puis mon chum Chris Pellerin, à tous les fois je dis ça parce que je fais exprès de dire, il vient bleu là, il aime tellement pas ça parce que c'est un fan des Sens puis des Oilers. Puis tu sais, il l'a McDavid avec son club des Oilers, mais son club, son premier club, c'est vraiment Ottawa. Puis là j'ai dit, tu sais, Hamburger, il a empêché d'avoir McDavid, là. Ouais, mais en playoff, il y a tout peut arriver. Non, McDavid, c'est 20 ans de playoff. Où est-ce que tout peut arriver, là? Hamburger, c'était 20 matchs, là. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, McDavid, là, avec les Oilers, là, depuis qu'il est arrivé, là, c'est quoi ça? Il a changé à patente, tu penses? Ah, bon, ben, tu sais, les Oilers, s'ils feront pas les séries, là, c'est pas normal. Puis McDavid se blesse, là. Exact. C'est tout. Tu sais, non, c'est quelque chose. Alors, en plus, il amène un point à suivre. Il dit qu'il demeure convaincu, là, Mathias Brunet, que Piquet-Souban, sa transaction va hanter le Canadien de Montréal éventuellement. Ah, je suis quand même d'accord, même si on a assez parlé de cet échange. Je reviens sur Alex Hemsky. Je sais que toi, tu connais peut-être pas le gars en question, mais Kirby Reichel, 22 ans, a passé au ballotage cette semaine en même temps. Je le connais. Tu connais? Ancien oui, joué avec Columbus dans le temps. Avec Columbus, 22 ans, un gars qui est un point par match dans la Ligue américaine. Moi, pour vrai, là, ça, c'est le genre de coup de cœur. Tu peux pas laisser ça passer. Là. Ben, c'est surtout que pour l'âge qu'il y a, il y a encore un potentiel jouer dans la Ligue nationale. Tu sais, probablement que si Toronto n'aurait pas autant de jeunes, ce gars-là, en fait, je sais qu'il est au ballotage, fait qu'il s'en va dans la Ligue américaine, mais sinon, il avait sa place, là, je veux dire. Il jouait à Columbus dans le temps, c'était pas bon, c'était pas du gros char, là, c'était pas intense à ce point-là, mais reste quand même que, je sais pas, mais c'est clair qu'en partant à 22 ans, juste ça, tu gagnes l'argumentaire contre Hemsky, là. T'es plus jeune. Oui, c'est un ailier gauche, un petit qui joue à droite, bon, ça reste des alliés quand même. Je sais pas, il me semble que j'aurais mis plus. Bon, ok. À ce moment-là, Reichel n'était pas disponible, mais peu importe. Reichel meilleur qu'Emski. Fin de l'argumentaire. Je pense. Bon, du moins, il peut devenir meilleur qu'Emski. Ouais, mais c'est ça, il y a un potentiel. Il y a 22 ans. Quoi qu'en même temps, à Montréal, t'as 23 ans, tu t'appelles Alex Galchenyuk, puis tu te fais varlopé par tout le monde, ça je la comprends toujours pas. Mais, tu sais, Reichel, peut-être pas une bonne idée de venir à Montréal finalement. Peut-être pas. Il aurait été la cible de toutes les méchancetés de l'organisation. S'il faisait pas 70 points, non, c'était pas bon. Vu qu'il n'y a pas un nom francophone, on ne lui permet absolument aucune largesse. Ouais, et voilà. Bon, ça fait le tour. Mathias Brunet, ça fait le tour aussi. J'efface. Avais-tu des trucs à jaser, Jerry, de ton bord? Ouais, ben en fait, je veux qu'on parle d'une espèce de... Ben, en fait, moi, je pense que c'est un fléau. Puis, ça va sûrement amener un autre lockout. Vous allez pouvoir m'acheter des roches quand je vais vous expliquer ce que je vais dire. Mais, toi, là... Moi, ouais, y a-tu juste moi qui comprends pas les contrats de 10 millions offerts à des joueurs qui n'ont joué que 142 parties dans la Ligue nationale? Ça, là, c'est même pas deux saisons complètes, ça. Est-ce que tu ferais référence au nouveau contrat de Jack Eichel, 8 ans, 10 millions? Puis là, on pourrait rajouter là, Nicolas Ehler avec les Jets, 7 ans, 42 millions, 6 millions par année. Là. Beaucoup moins pire, là, mais l'idée... T'sais, à l'époque, là, on disait un bridge contract, pis ça a longtemps été la façon de voir pour les équipes de la Ligue nationale avant d'offrir un gros contrat, puis ça leur permettait d'avoir une certaine zone de tampon. Mais la Ligue nationale est tellement une ligue de vitesse que les jeunes, de plus en plus, surtout en attaque, réussissent à s'implanter dans les alignements hyper rapidement. Et ça leur donne un pouvoir de négociation. Ça leur donne un pouvoir vraiment énorme. Si le gars va, tu sais, comme RFA, sans contrat, puis t'attends une offre hostile, Jack Eichel passe pas 24 heures sans avoir une offre hostile. Impossible. Non, c'est... Je comprends ça, mais... Reste quand même que 142 games. Ben beau qu'il est identifié comme un joueur de franchise, Il a 113 points en 142 games. C'est quand même très bon. Là. Je dis pas que c'est mauvais. Je dis pas que Jack Eichel non plus, il est mauvais. C'est ça que tu dis. Arrête. Oui, ben, ça en plein ça finalement. Non, mais ce que je comprends pas, c'est que, je sais pas, il me semble que, tu sais, toi-même, tu le dis souvent, là, le gars, il est RFA. Là. Son pouvoir de négociation devrait pas être si intense, même si c'est Jack Eichel, deuxième choix total, que c'est identifié comme le sauveur de Buffalo, je le comprends. Là. Mais même, peu importe, là, je pense qu'on a toute notre opinion, peut-être que vous êtes totalement pas d'accord avec moi, puis honnêtement, c'est bien, bien correct. Là. C'est juste que ça me rappelle des contrats dans le temps, genre avec les Oilers de Taylor Hall, Jordan Eberle, Nugent Hopkins, on vous donne 5 ans, 6 millions, d'où qui ont genre 96 games de jouer dans la Grande Ligue. Qu'est-ce que c'est ça? Genre, tu... Imagine, Jack Eichel, l'année prochaine, se blesse, se pète une clavicule, mon homme, en morceaux, et ça ne revient presque jamais. Là. Ben, toi, tu donnes 10 millions à un joueur qui n'a plus de clavicule. Bon, OK, c'est de la supposition, puis peut-être qu'il se blessera jamais dans sa carrière. Dans 10 ans, il va juste en avoir comme 28, 29, de quoi dans le genre. C'est pas un très, très gros pari, mais c'est 10 millions. Ça, là, présentement, là, le plafond salaire est à quoi? 72, 74 millions, de quoi dans le genre? C'est un septième de ta masse salariale. Faut que tu mettes 23 gars dans un jersey, puis t'as déjà donné un septième de ta masse salariale à un joueur. Tu juste moi qui comprends pas, rendu là, ou... Je comprends pas non plus. Non, mais dans le sens que... Je le sais pourquoi que les équipes le font. Non, mais c'est ça. Mais je le sais qu'en même temps, ils se tirent dans le pied. Parce qu'il n'y a pas un gars, puis tu sais, je le faisais là, l'argumentaire avec Ovechkin, qui était à un certain moment le deuxième meilleur joueur au monde. On lui a donné ce genre de contrat-là, tu sais, un contrat hyper long, là. Et la formation des Caps de Washington avec le deuxième joueur au monde a fini par, là, en ce moment, se mordre les doigts avec ce contrat-là. Le gars a 32 ans. OK, vous allez me dire c'est un contrat de 13 ans versus 8. Oui, OK, mais ça revient au même. C'est ça. Tu peux pas prévoir à si long terme que ça. Et prenons l'exemple de la formation des du Lightning de Tampa Bay. Okay? Parce que je pense que c'est un exemple qui va faire... Tu sais, qui fait école, là. La formation du Lightning de Tampa Bay a tout fait pour être en mesure de re-signer Steven Stamkos. C'est le capitaine, c'est le joueur franchise, et on a tout fait pour l'accommoder et le garder avec la formation. Vous vous souvenez, là, il y a eu des grosses spéculations. Finalement, contrat de 8 ans à 8,5 millions de dollars sur l'impact de la masse salariale. Aujourd'hui, le 8,5 semble... far away des autres vedettes de la Ligue nationale à la McDavid puis la Eichel. Mais reste que aujourd'hui la formation du Lightning de Tampa Bay est en train de se demander « Ouais, mais là, c'est parce qu'il faut que je re-signe Palat, faut que je re-signe Kucherov, faut que je re-signe Namechnikov, faut que je re-signe Braden Point éventuellement, faut que je re-signe Victor Hedman, il y a un long contrat, là. Mais, tu vois, genre... Ça... Ouais, puis en même temps... Si tu parles de Stamkos, je veux juste faire une petite parenthèse vu qu'on est là avant d'aller trop loin. T'es-tu meilleur avec Joe Drouin ou Stamkos? La question, franchement, là, mérite d'être posée. Parce que honnêtement, Steven Stamkos, bon, déjà en partant, il commence à avoir une historique de blessure moyennement élevée. Coûte plus cher. Il est plus vieux. La balance commence à peser sur whoop, j'aurais peut-être dû garder Drouin, le signer 5 ans à 6 millions ou 6 millions à 5 ans, peu importe. J'ai dit la même affaire, mais inversé. Mais, tu sais, moi, ça me dérange pas que Drouin soit à Montréal. Je suis totalement content avec ça, puis merci Steve Arsenal. Mais, comme tu dis, la question mérite d'être posée. Si tu as un Drouin payé moins cher que Stamkos, tu as plus d'argent pour signer tous les joueurs que tu viens de nommer. Là. Mm-hmm. Puis on pourrait avoir la même discussion à propos de la formation des Islanders. Eux, c'est John Tavares. On fait tout pour avoir ce qu'il faut pour garder John Tavares. Alors que John Tavares, si tu le signes trop cher, vaut plus la peine. Puis je sais là, que c'est gros et que c'est leur joueur de franchise, mais l'an passé, 70 points. L'année d'avant, 70. L'autre, 86. Il y a une petite tendance là, à ce qu'il diminue de performance. Il arrive, tu sais, il va signer son contrat, il va avoir 28 ans. Il va avoir 3, 4 ans dans son prime, puis les autres années, tu vas t'en mordre les doigts. Et surtout, c'est que tu vas avoir d'autres éléments qui vont offrir des performances semblables, sinon meilleures. Je pense ici là, à des Josh Ocheng, Matthew Barzal. On a aussi là, Adam Pelech en défense, Calvin DeHaan. Il y a une couple de joueurs là, qui risquent d'être très, très intéressants bientôt. Matt Dalcole, on a Sébastien Eho. Il y en a plusieurs là, qu'on pourrait mentionner et dire « Écoute, à un moment donné, il va falloir que tu passes à la caisse. » Ben, c'est ça. Puis... ils vont donner quoi, 10, 11 millions à Tavares? Probablement. Ça va tourner autour de ça. Je ne vois pas comment ce que Tavares peut comparer avec Jack Eichel et demander moins. Ben, c'est sûr. Puis, qu'est-ce que ça va faire rendu ce que tu vas falloir que tu signes justement au sein, puis tout, puis que s'il y a quelque chose qui arrive d'imprévu, puis que tu n'as pas la marge sur ton plafond salarial, tu fais quoi? Tu sais, comme je disais au dernier show, l'avantage du Canadien présentement, c'est qu'ils ont quand même un certain coussins financiers qui vont leur permettre de faire quelque chose. Je m'attends à rien, mais quand même, t'sais. Mettons là, qu'on va chercher un Tavares, on brûle ce coussin-là, puis après ça, on est dans merde. Pourquoi? Parce que je pense que j'en avais parlé au dernier show, mais j'en reviens quand même un peu là-dessus. Torsing Pacioli, là, lui à 4,5 millions, il va se sentir fourré un peu. Là. Il va vouloir passer au cash. Carey Price s'est déjà fait, il passe au cash. Galchenyuk, s'il fait des bonnes saisons, tu ne l'échanges pas. Même si tu l'échanges pour, peu importe, la rumeur du jour, c'était Duchesne. Duchesne aussi va vouloir passer au cash. Tu sais, ça peut juste aller en augmentant. Puis, je parlais, je pense, avec William de l'ancien podcast des Geeks sont parmi nous, qui existe encore, Balo. Mais. Simon a dit qu'il allait avoir une nouvelle version, mais on attend toujours. Ouais, c'est ça. Mais voilà, ça, oui, ça sent bien pour vrai. Puis. Tu sais, je veux dire, lui, il disait, ça va juste devenir, ce qui n'est pas tant vrai, mais j'aime sa réflexion, ça va devenir comme les autres ligues bientôt, du genre que les joueurs vont être payés justement des espèces de montants faramineux pour des années minimes. Ça n'arrivera pas à cause du plafond salarial, mais tu sais, tu regardes les joueurs de baseball, là. 5 ans, 120 millions. What the fuck? Mais moi, les montants me dérangent très, très peu. Moi, c'est dans les limites de la game, donc le plafond salarial, l'impact que le joueur a sur le terrain de jeu. C'est là que moi, j'ai un problème. Le fait que, tu sais, si le terrain de jeu est 300 millions puis un gars fait 100 millions, le fait qu'il fasse 100 millions va me déranger pas mal plus là que s'il fait 100 millions puis le terrain de jeu, c'est 1 milliard. Tu comprends? Oui, non, ça c'est sûr, mais en même temps aussi, bon, les arénas accueillent un certain nombre de personnes, oui, les revenus sont pas assez hauts. Pis... les propriétaires font de l'argent, puis il y a des... Je comprends que la richesse doit se transférer aux joueurs parce que ça reste la matière première, puis je trouve ça bien normal. Moi, c'est même pas le montant des salaires, moi, c'est le bac à sable dans lequel tu joues ta game. Par contre, ce que je veux amener une autre notion. Est-ce que tu as été voir le prends le temps, là, pendant que j'ose, ouvre Cap Geek et trouve les contrats de Jack Eichel et de Connor McDavid. Pour le fun. Je vais aller voir ça. J'imagine que le pourcentage doit être le pourcentage est très élevé. Là. C'est même pas ce bout-là. Te rappelles-tu, il y a l'an passé ou il y a 2 ans, je te parlais du contrat de Ryan O'Reilly de la formation, encore une fois, des Sabres de Buffalo, qui lui... son salaire est de 1 million de dollars par saison. Et à chaque saison, ce qui amène à péter le 7,5 sa masse salariale, c'est le bonus de signature. 1er juillet, paf, 10 millions dans son compte la première année. 1er juillet, paf, 8 millions dans son compte. Troisième année, paf, 7,5, 5, 5, 5, 5 jusqu'à la fin de son contrat. Et à chaque année, ce qui est versé à chaque mois de saison à chaque 2 semaines. Là, la paye qu'il reçoit, là, c'est le 1 million qui reste à payer, qui est divisé dans ses 40 semaines de paie, whatever, 40 chèques de paie, peu importe. Okay? Ce qui veut dire qu'à chaque année, si tu le rachètes, mettons que tu arrives à vouloir le racheter, ce que tu rachètes, ce n'est pas le bonus de signature, c'est l'impact sur la masse salariale. Donc, la formation se protège. A un impact sur la masse salariale au niveau financier, mais en réalité, le rachat est pas mal moindre que ce qu'on dit. À chaque année, Day One, le contrat s'enclenche. Mais il y a une autre facette à ça. Puis là, je prenais l'exemple de Ryan O'Reilly, mais c'est encore plus flagrant sur le contrat de Jack Eichel. Est-ce que tu vois des chiffres? Ouais, mais là, je suis sur Cap Friendly parce que Cap Geek marche pas. Non, Cap Friendly, ouais, j'étudie Cap Geek. Ouais, c'est pour ça que ça marche pas. OK, Cap Friendly. Mais... Contrat de Jack Eichel. Ouais, Ryan O'Reilly, je vois les bonus. Ouais, les bonus de signature, c'est tout égal. C'est 1 million en salaire de base, puis après ça, c'est des signatures de bonus qui viennent compenser. Le contrat de Jack Eichel est vraiment très intéressant à voir. Mais là, je vois des bonus, mais genre aux 2 ans. Là. Il y a 2 années en particulier où est-ce qu'il y a des bonus. Ces bonus-là sont de 7,5 millions de dollars, ce qui veut dire que sur son 10 millions, il reste 2,5 millions de dollars en salaire à payer. Les 2 années où est-ce qu'il y a des bonus, ce sont des années où est-ce qu'on prévoit que la convention pourrait se terminer. La Ligue nationale a une première option pour prolonger l'actuelle convention collective en 2020 et 2021, ce qui est l'année avec le premier bonus de signature de Jack Eichel. Et si on la prolonge, c'est de 2 ans. Et donc, on arrive à 2022-2023, là où le deuxième bonus de signature arrive. Qu'est-ce que ça fait? Il arrive un lockout. Jack Eichel, son bonus de signature, lui est payé. Mais pas son salaire de base. Lockout, Ryan O'Reilly, son 1 million de salaire de base n'est pas payé, mais le bonus de signature, oui. Les gars... Oui, vas-y. T'es en train de me dire que les DG sont caves, les mais DG... qu'en plus... Ils se peinturent dans le coin de plusieurs manières. Ah! Wow. Les joueurs sont des compagnies aujourd'hui. Les grosses vedettes là, peuvent se permettre de négocier de cette façon-là parce que eux, leur revenu de compagnie, c'est de jouer au hockey. S'il n'y a pas de hockey, ça prend quand même des revenus pour la compagnie. Les agents de joueurs ont compris ça il y a très, très longtemps et ça commence à s'appliquer. Jack Eichel n'a pas juste signé 8 ans, 10 millions par année là parce que le DG ne veut pas le perdre. Jack Eichel a signé là parce que la négociation par rapport à la convention collective, là, il pouvait mettre cette pression-là sur le DG en disant « Si en plus, tu n'ajoutes pas ces clauses-là, cette manière-là de moduler le salaire, bye-bye, mon petit minou, m'allez voir ailleurs. » Puis il va l'avoir ailleurs. Il va l'avoir ailleurs. Parce que, encore une fois, je l'ai dit à plusieurs occasions, les DG de la Ligue nationale, c'est pas une confrérie. Ça devrait tellement en être une. Ben oui, ça devrait en être une. On établit des règles de jeu. On établit un carré de sable. Peut-on jouer dans les limites du carré de sable? Ben non. En ce moment, pour pouvoir avoir un avantage, ben on offre ce genre de situation-là. Ryan O'Reilly pouvait offrir au moment de signer, il pouvait offrir, je pense, ses services à tout le monde. Faudrait que je veux juste confirmer, là, je veux pas dire n'importe quoi. Au moment de la fin de son contrat, au moment de la fin de son contrat, il n'avait pas été échangé. Il tombait UEFA. À la fin de son contrat, en 2015-2016, tombait UEFA. Donc, aurait pu s'en revirer de bord et signer avec n'importe qui. Si je ne dis pas n'importe quoi, 2015-2016, il est arrivé avec les Sabres. L'Avalanche l'avait échangé à la fin de la saison, mais avant le 1er juillet, pour que les Sabres puissent négocier avec lui avant. Si je me trompe. Oui, c'est vrai. Puis il avait rentré dans un Tim Hortons avec son pick-up. Oui, c'est ça. Ça a l'air que faire des accidents avec des pick-up, c'est commun dans la Ligue nationale. Oui. Hashtag Zach Cajun. Ah, le Canadien de Montréal qui masque si bien les choses. donc, les négociations ne se font pas juste par rapport aux limites du jeu, mais aussi aux limites de la game de la convention collective. Avant, les DG, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient un contrat front-load, qu'on appelle. Ouais, comme Ilya Kovalchuk, c'était le meilleur exemple. Exactement. Un contrat, puis on en a un dans notre cours, le contrat de Shea Weber est front-load aussi. Créé par les Flyers de Philadelphie. Créé par les Flyers de Philadelphie via une offre hostile, alors qu'il était UFA, RFA avec la formation des Prédateurs de Nashville, accepté l'offre des Flyers, offre égalée par la formation de Nashville. Donc, c'est un front-load aussi, mais avant l'ère du temps des front-loads avec la nouvelle convention collective, mais c'en est un aussi. À cette heure, la Ligue nationale a dit « Non, non, non, non, non, il va falloir que ça soit réparti de façon égale. » Mais là, les joueurs, ils savent que la Ligue nationale, parfois, joue la ligne dure par rapport à la convention collective. Puis ils savent que les DG souhaitent éventuellement mettre les contrats de non-garantie, puis ça va brasser si les DG, puis en fait les propriétaires en viennent à vouloir ça, comme c'est le cas dans la NFL. D'ailleurs, je ne comprends pas que ça soit pas de même dans toutes les ligues au monde. Tu sais, tu mets un plafond salarial, mais tu as des contrats garantis. Fait que tu as des joueurs qui jouent pas, mais que le contrat compte. Ça amène des disparités. Ouais, ça c'est épais, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas de bon sens. Tu as un plafond ou tu as des contrats garantis. C'est pas un ou l'autre, là, il me semble. Alors, les gars se protègent. Et Jack Eichel, c'est le meilleur exemple. Mais, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, des exemples comme ça. Le contrat de Connor McDavid. Prends 2 secondes, va le chercher. Je m'en vais faire ça direct là. Je cherche, et voilà. Connor McDavid a un salaire moyen de 12,5 par année. En salaire de base, Connor McDavid est payé 2 millions. 1 million, 1 million, 2 millions, 1 million, 1 million, et 3 et 3 les deux dernières saisons. Les bonus de signature, 13, 13, 12, 13, 11, 12, 10, 7 et 7. C'est un mini front load. Et il y a une clause de non-échange à partir. Connor McDavid, il arrive un rachat de contrat. Après le 1er juillet, le salaire est payé. Il reste le 2 millions que tu rachètes plus les années suivantes. Ça arrivera pas, à moins d'une méga blessure, parce que là, il serait sur les assurances puis il compterait pas, mais tu pourrais pas le racheter, mais peu importe là. Mais il arrive éventuellement un lockout. Connor McDavid est payé pareil. C'est tellement épais, parce que dans l'ensemble, là, les DG ils se battent pour ça, puis ils s'arrangent. Les propriétaires se battent pour avoir une limitation sur le terrain de jeu. Puis en fait, la Ligue aussi, parce que plus les salaires augmentent, plus les coûts pour faire rouler une équipe de hockey augmentent, puis moins les équipes sont rentables. Tu sais, la Caroline, puis l'Arizona, pas facile, là, avec, tu sais, puis le plancher n'a pas le choix de monter en même temps que le plafond, pas facile, là. Faut que tu fasses des passe-passe pour être capable d'arriver sur le plafond salarial, là. Non, ça, c'est sûr, oui, parce que c'est du sabotage. Les propriétaires veulent ça. La Ligue veut ça. Les joueurs veulent toujours plus, puis ça, c'est normal. Mais les DG, qui, une fois arrivés au moment de monter leur club, se tirent eux-mêmes dans le pied, puis que les propriétaires acceptent à la pièce que ça se fasse, ça, je trouve ça aberrant. Comment ça que le message passe pas d'un propriétaire au DG? Ou que quand c'est en confrérie, là, quand c'est le temps de négocier avec l'entité générale qu'est l'association des joueurs, là, on est tous body-body, puis on s'entend. Mais quand vient le temps de battre l'autre club, là, on n'est plus body-body, puis on joue pas contre les pas dans les règles du jeu. Ça, c'est une affaire que je vais te donner à Bergevin. Là, je suis quand même content, moi, qu'il n'y ait pas signé Red Love au montant que Dallas ont signé. Là. Je pense que toi aussi, tu es dans la même chaise que moi en ce moment. S'il aurait signé, là, ben beau que le monde aurait été content, Radu serait resté, blablabla, bla, bla, mais tabarouette que ça aurait fait mal sur le payroll. Là. Je veux dire, ça aurait tellement fait un trou que tu aurais pu combler avec un autre joueur à cause du salaire que tu lui donnes, tu sais. C'est quand même 6,250 000. On parlait de Stamkos tantôt. Lui aussi, salaire de base de 1 million à chaque année. Après ça, c'est des bonus de signature. Tu sais, les vedettes, c'est maintenant ça. Ça protège de la game financière de la Ligue. C'est fou, là. Puis même Radulov, c'est un contrat qui est semblable. Genre là, cette année, là, 7 millions en bonus, puis 1 million en salaire de base. Après ça, c'est 3 millions tout le temps assurés à chaque année. C'est plus équilibré, mais à peu près la moitié de son salaire chaque année est en bonus de signature. Ouais, mais est-ce quand même que... Exact. T'as quand même un bon salaire que tu donnes pareil. Je sais, là, RDS et tous les médias traditionnels vont te dire... Ouais, mais là, Bergevin a dit qu'il va faire le même contrat. Est-ce que le même contrat, on parle de les mêmes termes en moyenne par année ou on parle de comment est-ce que la signature est faite par rapport au bonus de signature puis le salaire de base? Puis est-ce que le Canadien de Montréal veut embarquer dans cette game-là de « Hey, il y a un lockout, mais je paye quand même le mouton pour mes joueurs parce que je les ai donné des bonus à la signature. » Parce que le Canadien de Montréal... jusqu'à maintenant, ne semble pas être embarqué dans cette valse-là. Est-ce que c'est vraiment les impôts qui reculent, qui font reculer les joueurs? Ça c'est fuck-out. Honnêtement, c'est impossible que les impôts jouent autant parce que tu peux quand même... Je pense que je m'étais renseigné là, pour Pacioretty parce que le monde allait capoter sur le fait que Pacioretty allait pas signer à Montréal parce que blablabla, les impôts et tout. Tu sais que, de base... Pacioretty, je pense qu'il met son lieu numéro 1 de domicile au Michigan. Donc, logiquement, ne devrait pas payer d'impôts. Parce que c'est une résidence secondaire. C'est ça avec toi ou avec Sylvain, qu'on en parlait sur un show. Peut-être avec Sylvain. À un moment donné, je suis tombé sur un document. C'est un document de fiscalité française du pays, là, la France. Et il donnait l'exemple des sportifs dans la relation internationale Canada-États-Unis. La NFL, il n'y a pas de club à l'international. Le baseball, tu as un club qui est Toronto. Mais le plus gros circuit binationalité, là, c'est la Ligue nationale. C'est là où est-ce qu'il y a le plus d'échanges financiers entre les formations. Et la façon que l'entente entre les deux pays est établie pour... la fiscalité, c'est que le joueur est imposé selon le lieu de prestation. En ce sens qu'un match, les joueurs sont payés pour les matchs, pas pour les entraînements, pas pour les playoffs, soit dit en passant, parce que le seul bout que tu peux garantir qu'il va y avoir, c'est les 82 matchs de la saison. Le reste sont bénévoles. Ish. Si on veut tirer le principe de bénévolat, là, si on veut les tirer bien loin, là, sont bénévoles. Le reste du temps, ils sont payés pour les matchs. Et les matchs ont lieu à des endroits physiques. Et c'est dans les lieux physiques que le taux d'imposition se fait. Parce que c'est considéré comme une prestation. Au même titre qu'un spectacle. Si tu avais une tournée de spectacle des vedettes, ben le taux d'imposition, exemple de Katy Perry, elle vient à un show à Montréal, ben là, elle est payée selon la vente des billets. Mais les billets, là, le taux d'imposition, là, les taxes, toutes ces affaires-là, c'est nivelé selon l'endroit où est-ce qu'elle vend. Là. Puis elle attire un revenu de ce qui reste d'argent après que les impôts aient pogné. Ça se peut qu'elle monte le prix des billets à Montréal parce que c'est plus élevé que à Madrid, mettons. Ou aux États-Unis, à Las Vegas. Tu sais, elle va varier son prix des billets pour arriver à la même cote. Mais dans la Ligue nationale, le terrain de jeu étant le plafond salarial, tu peux pas vraiment faire ça. Le taux d'imposition est donc selon la ville et l'État où est-ce que la joute se fait, la prestation se fait. Ce qui veut dire qu'un joueur du Canadien de Montréal paye les taxes et les impôts de Montréal 41 fois dans une année. Les autres matchs, les 41 autres matchs sont imposés selon les standards des différentes villes. Ce qui veut dire que les 6 matchs contre Toronto, c'est selon les 3 matchs à Toronto, c'est selon le taux d'imposition à Toronto. Quand c'est à New York, c'est le taux d'imposition à New York. Ce qui veut dire que, oui, il y a des endroits, exemple Dallas, les joueurs 41 matchs dans l'année vont payer moins d'impôts que l'ensemble des autres joueurs de la Ligue. Mais les autres 41 matchs, ça s'équivaut. Fait que t'as la moitié de ton chèque de paye qui est imposé moins. selon l'endroit où est-ce que tu vis. Le reste, ça finit par s'équivaloir d'un état à l'autre. Et si, mettons qu'on dit, OK, finalement, c'est les 82 matchs selon la ville de résidence, ben la formation du Canadien de Montréal est imposée, oui, la plus, mais pas loin derrière, t'as Los Angeles et t'as New York, qui sont aux États-Unis. Et pourtant, on dit jamais qu'ils ont de la misère à attirer des vedettes. Jamais. Ouais, mais ça, c'est un exemple qui est apporté seulement par les Québécois. L'imposition là, des joueurs, là, gros bémol à ce qu'on vous dit là-dessus par rapport à la ville de Montréal. C'est une belle excuse pour que dire que les joueurs viennent pas puis sauver les fesses du Canadien de Montréal. Mais ça, en même temps, là, c'est les médias. Hein. Les médias et leur contrôle de la populace fanatique du Canadien de Montréal, là. On va se le dire, là. Il y a d'autres sites que vous pouvez vérifier vos affaires des fois. Parce que je vous le dis tout de suite, là, RDS, TVA Sport, je veux pas m'attirer des foudres d'eux autres, là, mais des fois, là, puis je veux ton avis là-dessus, j'ai tellement l'impression que les médias enfoncent dans le crâne des fans des inquiétudes et des attentes envers le club du Canadien de Montréal. Peu importe comment qu'ils s'y prennent, il y a tout le temps moyen de changer l'opinion que le fan peut avoir sur son club. Par rapport aux taxes, le document issu de la France, là, je vois. Écoute, pendant que tu finis de poser ta question, je mets ça en ligne sur le Facebook de la POC. Allez consulter ça, lisez ça, la section de l'exemple canado-américain, qui est la ligne nationale. C'est écœurant, c'est les fiscalistes d'un pays, là, qui écrivent ça pour les sportifs français qui vont aller travailler à l'international, dont aux États-Unis ou au Canada. Allez lire ça. Yes. C'est un très bon exemple. Puis justement, ça va peut-être vous allez arrêter de parler d'impôts quand vous allez parler des, okay, parler continue, des prochains agents libres. Donc, non, mais c'est bien correct. C'est bien correct. On donne l'info aux jeunes, à nos auditeurs. Pis tout. Ouais, aux jeunes. Ouais, non, c'est ça. Ah, ça commence à devenir vieux quand tu dis ça. Mais c'est ça, dans le fond, je veux vraiment ton avis. Puis je veux l'avis de tout le monde aussi, si vous voulez nous répondre sur la page Facebook. Peu importe. Est-ce que vous trouvez, toi aussi, Joué, que les médias enfoncent vraiment comme des idées préconçues de, tu sais, vers où aller dans les pensées? Est-ce qu'il crée des inquiétudes, des attentes auprès du club? Puis là, je parle de peu importe le club, là, autant à Toronto, comment qu'eux autres peuvent percevoir leur truc, à Montréal, à Vancouver, peu importe. J'ai tellement l'impression que les médias font juste nous enfoncer d'informations pour qu'un moment donné, tu fasses crime. Ils ont peut-être raison, tu sais. C'est vrai, les Canadiens, ils sont pas si bons. Ou, les Canadiens, ils sont meilleurs qu'on pense. Ou... tu sais, Galchenyuk, il est pas bon, mais ça, c'est impossible. J'ai quelqu'un qui est bon. Okay? Fait que, bref, c'est un peu ça. Est-ce que tu penses que les médias ou non, pas du tout, le monde sont capables de se faire leur propre avis? C'est sûr qu'il y en a qui le sont, mais en général, j'ai tellement l'impression que les médias contrôlent ce que les fans vont penser. Je vais te donner un petit exemple, quelque chose que tu sais, j'ai entendu la semaine passée ou cette semaine, Éric Bélanger est un invité. Là, une fois par semaine, il va faire son tour à l'émission On jase de la balado de Martin Lemay, qui est par RDS. Pendant son entretien, finit par lâcher un call hyper intéressant. Tu sais, c'est un gars qui a joué dans la Ligue nationale pendant 8 ans. Il a joué avec plein d'équipes, dont les Caps de Washington. Et à un moment donné, dans la discussion, il dit « Carl Osner, là, moi, je considère que d'ici 3 ans, le Canadien de Montréal va le racheter. » Et moi, j'entends ça, je fais comme « Oh, un joueur de la Ligue nationale qui call out un autre qu'il va se faire racheter, qui n'est pas impressionné, qui n'est pas convaincu de ce qu'il peut amener puis qu'on l'a oversigné. » Oups, changement de sujet de discussion. On n'adresse pas la question plus qu'il faut, puis on part sur d'autres choses. Il me semble que ce point-là méritait d'être adressé en profondeur. Comment ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi tu sais qu'il devrait le racheter? Connais-tu des gars qui se sont fait racheter? Comment ça fonctionne? Comment tu le prends? Tu sais, me semble que... Hey, moi, là, en tant qu'animateur, sur le gun, je pars avec ça, puis on a du bon temps de radio, là. Non? me semble que ça sentait le protectionnisme du chiasse. Peut-être que j'ai une vue là, un petit peu détournée, là, puis que j'ai une mauvaise vision, une mauvaise impression de la situation, mais me semble que ça sonnait de même pas à peu près. Ah, ben c'est sûr. Comment tu veux le voir différemment? Honnêtement, c'est tellement genre un élément qui aurait pu te faire justement du temps d'antenne à plus finir, surtout que tu aurais peut-être été capable d'aller chercher des petites affaires croustillantes de derrière les portes. T'sais. Comment qui est Carl Hazner en arrière? Pourquoi tu sais à ce point-là? Carl Hazner, moi je trouve que c'est un bon défenseur quand même. Oui, il y a tous les points que tu as déjà apportés, bon, la main cassée ou peu importe, là, pis que c'est cher payé pour un 3-4, mettons. Mais pourquoi Éric Bélanger? Un gars qui n'est pas dans le bureau, là, c'est un gars qui a joué dans la Ligue nationale. Oui. C'est ça. Pourquoi qu'il dit ça? Il y a d'autres défenseurs qui sont vraiment moins bons que lui. Il y en a qui sont vraiment meilleurs que lui aussi. pour ce qui est de l'opinion que les gens se font, je me demande jusqu'à quel point les gens réfléchissent par eux-mêmes et s'ils sont influencés ou non par les médias. On a parlé régulièrement sur le show de tanker. S'il y a bien une affaire que j'ai mentionné à plusieurs occasions, c'est que on sera jamais capable à Montréal de tanker tant que les médias approuveront pas la méthode et ne la pousseront pas dans la gorge des gens. Ça a été le cas du côté de Toronto. À un moment donné, l'état-major a dit « On va tanker ». Ils ont expliqué à patente, les médias ont embarqué. Oups, tout le monde était d'accord. Est-ce qu'ils connaissent moins leur hockey à Toronto qu'à Montréal? Je pense pas. Je pense pas qu'on est plus capable. Je pense pas qu'on est plus intelligent. Je pense que c'est pas mal la même affaire. Mais oui, si t'as toujours Gaston, puis t'as toujours le Baron, puis t'as toujours ce monde-là qui te disent des affaires. Écoute, à soir, tantôt, là, c'est Sylvain Rioux qui a plugué ça sur son Facebook. Michel Bergeron dit ceci. 80 millions pour 8 ans à Jack Eichel. Ce gars-là est pas une superstar comme Taze, Kane ou Crosby. Je comprends que c'est tôt pour lui donner ce salaire-là, mais Jack Eichel est une superstar. Là. Faisons pas semblant. Là. Ben oui, oui. Non, c'est pour ça que je comprends, mais que je comprends en même temps. T'sais. Mais Michel l'ancêtre de l'or. Cette semaine, Jack Eichel qui a lancé la vente de sa collection de vêtements. Ouais, jackpot, puis il y a des affaires quand même, oui. Tu sais, avec son logo, avec ses affaires. Puis je disais, de manière à peine subtilement sarcastique, s'il avait été un joueur du Canadien de Montréal, il serait actuellement sur le marché des transactions. Parce que ça se fait pas, ça. Voyons, ça se fait pas. Mmh. Non, c'est un sport d'équipe, reste dans le troupeau. Mais je pense que les médias ont leur mot à dire sur comment les gens pensent et réfléchissent. Est-ce que tout le monde se fait 100% manipuler? Ben non. Puis, tu sais, que j'aime particulièrement de notre show, c'est l'interaction qu'on est capable d'avoir avec le monde, les discussions qu'on est capable d'avoir. Puis, tu sais, je disais tantôt, là, je discutais avec Francis, il n'a pas la même opinion que moi, là. Il est vraiment pas d'accord. Avance des points, je fais « Ah oui, ça, c'est... Ouais, OK, ça, je suis d'accord, mais ça, telle affaire, telle... » À la fin... On a présenté nos points, ça a peut-être changé un petit peu sa mentalité, ça a tempéré la mienne, tu sais, sur le sujet. Puis la vie est belle, là. Pas de « des bains caves » que je me suis fait répondre sur RDS. J'ai lâché un commentaire, puis juste, tu sais, questionner le mouvement, je me rappelle plus exactement. Comme troisième commentaire, après que du monde ait dit à peu près la même affaire que moi, ou ait lancé un argument, il y a quelqu'un qui fait « Ouais, toi, l'intelligence, c'est pas ta plus grande qualité. » Qu'est-ce que c'est ça? Le fait de ne pas être d'accord, pas avoir la même opinion que moi, ne fait pas de moi un idiot. On a juste... Ben, il y a clairement... Il a gagné, clairement. Tu sais, c'est quoi ça? Puis moi, j'ai juste répondu de quoi, genre, est-ce que c'était vraiment nécessaire comme commentaire? Ça avance-tu vraiment la discussion? T'es défoulé, là. Ça va mieux dans ta journée. Ça allait pas bien, là. Oups, t'as passé le méchant. On peut-tu jaser? Jason, pas de trouble, mais... C'est quoi ça? En tout cas. Ben, c'est ce que j'aime le plus du hockey, c'est les discussions qu'on peut avoir. Puis même si on n'est pas d'accord, on a tout tort. C'est plaisant. Anyway, puis comme je le dis souvent, il n'y en a pas un de nous autres qui a un impact sur la game pour vrai. Ça, c'est le slogan, je pense. Oui. Oui. C'est magique comme phrase. C'est tellement vrai. Même si Marc Bergevin écoute le podcast, là, si, mettons, il le fait, là, il ne changera pas qu'est-ce qu'il va dire. Là. Il changera pas qu'est-ce qu'il va faire. Il va faire probablement les mêmes affaires qu'avant, selon son avis. Puis il y a des fois qu'il fait des affaires que on est d'accord. Des fois, il fait des affaires qu'on n'est pas d'accord. C'est bien correct. Là. C'est lui le boss. C'est lui qui contrôle. Puis j'ai aucune influence. Là. Et je sais pas si t'as écouté l'antichambre, le spécial Ils ont été congédiés. Avec toutes les Asbins, je sais pas, tellement drôle. Tous des anciens coachs. Ils ont tous déjà été congédiés. Quel beau slogan. OK. Avec Carbonneau, Bob Hartley, il y avait Michel Therrien. En tout cas, il y en avait une couple. Puis, à un moment donné, Mario Tremblay, il dit, tu sais, les DG, les joueurs disent qu'ils écoutent pas les médias, mais ils écoutent. Mais la réalité est que ça se peut que des fois, tu lances une idée, on l'essaye, puis on y pense, puis on fait comme non. Mais dans le coaching staff, c'est la même affaire. Là. Tu veux pas avoir du monde qui pense tout comme toi. Tu veux avoir différentes opinions pour essayer des affaires différentes puis essayer de trouver la meilleure solution. Des fois, t'essayes, ça marche pas. Des fois, t'essayes, ça marche. Puis le but, c'est que après ça, tu sais, il parlait de coaching staff, c'est qu'une fois qu'il y a une décision qui est prise, tout le monde, on est all-in dedans, là. On n'est pas en train de saboter le travail en arrière. Je trouvais ça... c'est à peu près le bout le plus intéressant du show. Fait que voilà, vous n'avez pas besoin d'aller l'écouter. D'ailleurs, j'ai découvert que l'antichambre était disponible en podcast. Ouais, ils mettent l'audio disponible en podcast. Pourrait. J'ai découvert ça cette semaine. Ça fait bien. Je suis capable de rattraper des fois si l'accélérer le show. Mais non... Parce que j'avoue qu'en même temps, visuellement, il n'y a pas grand-chose à offrir, à part plein d'images de kings que tu viens de regarder. Mais... Ouais. Hey, c'est une belle attentive. C'est fois, quand même nice. Soeur, j'écoute ça, puis ouais, merci, bonsoir. Là. Ah, c'est merveilleux, ça. Sont-ils disponibles sur... On fait de la promotion, finalement. Mais ouais, c'est cool. Je suis vraiment content. Ouais. Oh oui, ben j'ai trouvé. Bon, ça, je sais pas ce qu'ils font pour toutes les shows parce que j'ai comme vu ça cette semaine, fait que j'ai pas un gros backlog pour savoir ce qu'il en est, là, mais je trouvais ça le fun. Là. Merci RDS. À quand les games c'est Internet a un prix qui a de l'allure? Ah, on pose des questions. Avais-tu d'autres sujets, Jerry? Ben moi, je pense qu'on pourrait peut-être passer un sujet assez large, ce qu'on va appeler les prédictions 2017-2018. Très nice, parce que les prédictions, c'est ce que j'aime beaucoup, comme les spéculations. Puis habituellement, je me trompe souvent. C'est super comme ça. Nice. Juste mentionner que c'est la question qu'on a invité les gens à venir discuter sur le show. On va avoir vos réponses qu'on va lire. Mais éventuellement, on aimerait beaucoup ça, quand on vous pose des questions, que vous vous enregistriez. Tu prends ton téléphone, tu fais un petit mémo, tu nous le pitches par courriel ou par Facebook, puis nous autres, on va le diffuser sur le show. On est entre nous autres. Le podcast, c'est hyper niche. Les gens qui écoutent la POC, c'est des gens qui sont hyper ouverts, qui sont prêts à la discussion. Vous le voyez sur notre page Facebook. Vous avez l'occasion de jaser entre vous autres. Ça se fait... habituellement dans le respect, genre 99% du temps. Puis quand il y a le 0.1% qui arrive, là, il se le fait dire, puis il se calme les oreilles où il s'en va, tu sais. Fait que ça, on adore ça sur le show. Fait que ça vous tente, on aimerait vraiment ça pouvoir vous diffuser sur le show. Un 5-10 minutes, là, pas de trouble. On va vous donner du temps de glace. Vous êtes des recrues, faites-vous valoir, puis on lance l'idée. Question de la semaine, votre opinion sur le sujet. On veut vous entendre. Je pense que c'est un bel ajout qu'on pourrait avoir sur le show. On amène la game next level. Fait que nos prédictions, Jerry. Okay. Ben en fait, on va commencer par le Canadien. Ma première question est, est-ce qu'on voit le Canadien en série? Parce que c'est probablement l'objectif numéro un du Club canadien de Montréal, c'est de faire les séries. Donc, pour toi, est-ce que le Canadien a les assets pour faire partie du bal printemps? Je pense que le Canadien ne fera pas les séries, mais bataillera jusqu'à la dernière minute pour les faire. Donc, wild card dans ce coin-là, ça serait, tu sais, me semble réaliste comme prédiction. J'ai à peu près la même prédiction que toi. Ils vont se battre pour le wild card, mais vont en faire partie. Donc, devrait être des séries cette année. Pour ce qui est d'après, c'est autre chose. Mais quand même, je pense qu'on va quand même avoir des séries très courtes, mais ils vont avoir des séries quand même à Montréal encore cette année. Ça ne sera pas grâce à la défensive, mais on va pouvoir dire à la fin de la saison, merci Carey Price. Tu constates donc que c'est Price? Price et probablement le duo Drouin-Pacioli qui font en scoring. On l'a déjà mentionné, mais un duo centre et ailier Galchenyuk et Lekkonen. Tu sais, rajoute un. Ah, ben ça, je suis sûr que ça va aller aussi au courant de l'année. Gallagher, il est sur le premier trio, mais je ne suis pas sûr qu'il est capable d'amener l'aspect offensif nécessaire pour suivre la cadence en termes de points. Il va peut-être plus les ralentir qu'autre chose. Mais tu sais, j'aimerais ça, un Hudon ou quelque chose comme ça. Deux spark plugs avec Galchenyuk, ça pourrait faire quelque chose de bien intéressant. Ben moi, je pense que, puis j'aime vraiment aussi que tu aies été, le trio de Plekanec, Hudon, Lekkonen va rester intact jusqu'à ce que Plekanec se blesse et que Galchenyuk prenne sa place. Et ça va probablement être un très, très bon trio avec deux scoreurs. Et Hudon va probablement finir avec beaucoup de passes en étant joué avec ces deux joueurs. Grosso modo, il y a deux options avec Plekanec. Soit le Canadien l'échange, ça impliquerait que le Canadien, à la date limite des transactions, est éliminé des séries et mène croix sur les playoffs et décide de liquider cet asset-là en retour de futur parce qu'il devient agent libre. Ou Plekanec termine la saison avec le Canadien de Montréal et ça implique que le Canadien n'aura rien en retour de ses services parce que je ne pense pas qu'on leur signe du moins pas un salaire aussi élevé. Et que le... ben, au total, oui. 3 ans, 4 millions. Au total, ça pourrait être... Et si on ne l'échange pas, ça veut dire que le Canadien fait les playoffs. Mais ils peuvent peut-être les changer de pareil, même s'ils font les playoffs. Et faire les playoffs. Ils vont vouloir avoir un maximum d'assets pour remporter des matchs en playoffs. Logiquement, là. Il n'y a pas une équipe qui est vendeuse en faisant les playoffs. Plekanec, du moins. Plekanec, un choix de 4, tu en vas chercher un choix de 2. Bon, ben, c'est faisable, je pense. Non, peut-être, dans une équipe qui veut des... OK, bon, c'est bon, Plekanec va finir la saison à Montréal, mais blessé. C'est ça, mon... Ensuite, t'avais-tu d'autres prédictions que tu voulais avoir? Ouais, ben en fait, je veux qu'on... Ça va être assez facile, en fait, parce que bon, ensuite, les réponses vont peut-être se ressembler. Je veux que tu me dises, pour toi, à la fin de l'année, qui c'est qui va gagner le trophée Hart? Bon, OK, c'est ce que je pensais, c'est assez facile. Moi aussi, je pense à McDavid parce que, bon, justement, le dernier joueur qui a eu 100 points, le seul, en fait, l'année passée qui a eu 100 points, peut juste aller en pente ascendante. Il a changé les Oilers au complet. Fait que c'est très logique. Puis je pense qu'il n'y aura pas tant de batailles, même s'il y a pas mal de gens qui vont dire Crosby, McDavid, peu importe, là. McDavid va gagner au la main. Je veux aussi qu'on nomme qui c'est qui va gagner le trophée de Norris pour toi cette année. Ouais, l'année passée, c'était Drew Doughty. Je sais qu'il y a bien du monde qui l'aime, là, mais moi, je comprends pas. Ouais. Je comprends toujours pas. Comment ça fonctionne, le trophée Norris? C'est pas clair. Il faudrait l'expliquer en deux, si on le répète d'année en année. Pourquoi qu'il n'y a pas un meilleur trophée pour les défenseurs défensifs puis un pour les défenseurs offensifs? C'est pas clair. En tout cas, bon. Le trophée Orr. J'aime ça. Le trophée Orr. Oui. Très, très, très bon call. Trophée Orr pour le défenseur offensif. Ben, check, on va l'inventer, nous autres, trophée Orr. Ouais, trophée Orr. J'y vais avec Carson. parce qu'il ne ratera pas si longtemps que ça. Là. J'entendais Guy Boucher en entrevue. Il est, on parle de 5 matchs max, là, selon ses dires. Écoute, pour les pouleurs, vous pouvez le rendre sans trop de crainte. En pratique, là, si tu le savais pas, là, tu sais pas c'est qui, tu n'as pas entendu parler de rien, tu pourrais pas savoir que ce gars-là est blessé. C'est de dire à quel point il est proche. Là. Ouais. Toi, défenseur offensif, le trophée Bobby Orr? Mon trophée Orr, moi, ça va être Brent Burns, parce que je pense que l'année passée, il s'est fait voler un peu. C'est lui qui a eu le plus de points, les défenseurs, je pense, c'est 76. Valide, mais... Bref, c'est dans les alentours. Je pense que cette année, il va supporter les Sharks de San Jose. Avec la perte de Marleau, bon, c'est pas un gros char quand même, mais bon, c'est Marleau. Thornton qui, d'après moi, va ralentir. Je pense que Brent Burns va être vraiment le pilier de l'équipe au complet. Fait que ça va y mériter probablement le trophée Orr parce qu'il va aller empiler les points encore là, assez facilement. Puis sinon, le vrai trophée Norris du défenseur défensif. Ben, c'est là que Dusty peut tirer son épingle du jeu. Mais je sais pas jusqu'à quel point. T'sais, je regarde les plus et moins l'an passé. T'sais, Ryan Suter, plus 34. David Savard, plus 33. Jared Spurgeon. Tous les défenseurs du Wild ont eu des super bonnes cotes. Défenseur défensif, c'est moins flamboyant. Mais un gars à la McDonough pourrait ramasser ce trophée-là. C'est vraiment pas un mauvais choix. Je partais pour dire, mettons que tu t'étires vraiment l'élastique. Je verrais un Ekman Larson. Cette année, ils vont avoir avec Ranta dans les buts. Déjà, il y a des jeunes qui prennent du galon. Pourraient peut-être être concurrents dans cette catégorie-là, mais j'ai l'impression d'étirer l'élastique pas mal. Là. Ouais, ben écoute, je comprends. Tu penses que tu tires l'élastique. Moi, je pense que je vais l'étirer beaucoup, puis je vais sûrement sortir un nom. Honnêtement, je pense pas que ça va être le trophée Norris, mais... Mais défenseur défensif... Ça serait mon Norris à moi, probablement. Ouais. Ben, c'est ça, c'est vraiment défensif. Ses stats étaient peut-être moyennes l'année passée, mais je pense que cette année, il va reprendre beaucoup plus d'impact sur l'équipe. Puis c'est une équipe qui l'année passée était assez solide. Columbus Blue Jackets, on peut penser à Seth Jones. Je pense que ce gars-là va peut-être stepper up. Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme un feeling que Seth Jones va aller chercher quelque chose de très très grand pour l'équipe au complet, pour aider Bobrovsky encore à aller chercher remplir les victoires. Ouais. Probablement que le monde va avoir d'affaires avec Seth Jones. Qu'est-ce qu'il dit? J'ajouterais que Werenski est tellement solide aussi que c'est un excellent paire. Puis, oui. Encore une fois, j'ai l'impression que je me répète, mais le trophée Norris, de la manière qu'il est conçu en ce moment, la Ligue nationale a tendance à avantager les défenseurs qui sont éclatants dans des formations où est-ce que les autres défenseurs sont moins bons. Des équipes où est-ce que tu as un solide duo ou un top 3, les défenseurs sont désavantagés parce que tu as moins l'impression qu'ils sont dominants. Tu sais, Olivier Mann-Larsen, s'il n'est pas dominant tout seul là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est. Brent Byrne, il est tout seul. Il y a d'autres bons défenseurs, mais pas à ce point-là. Carson est tout seul dans sa brigade de ce statut-là. C'est ça. T'sais, un Subban ou un Yosi à Nashville, c'est pas eux autres qui vont l'avoir parce qu'ils sont super bons dans une super bonne brigade. Fait que tu es en train de dire que chez Weber va gagner? Oui, tu sais, si on parle d'un Norris défensif, Weber aurait une chance, ouais. Mais encore là, c'est que on parle aussi dans le cas de chez Weber du fait qu'il y a un gardien de but exceptionnel en arrière de lui. Ben, en fait, moi j'avais dit Seth Jones pour la simple et unique raison que on va passer au trophée Vezina. Et ma réponse, et va appuyer mon trophée Norris, c'est Sergei Bobrovsky. Bon, là, probablement que tu te dis, Chris, ça fait pas. S'il est aussi bon offensivement, c'est parce qu'il va avoir un Vezina en arrière de lui. Mais je pense que Columbus, cette année, va aller. Je vais nommer mon trophée président de suite. Là. On va garocher ça vite fait. Là. Bobrovsky va donner le trophée président à Columbus. C'est la team cette année dans l'Ouest qui va faire des ravages, je crois. L'année passée, ils ont fait 21 victoires de suite. Cette année, il faut penser aussi qu'ils ont rajouté un asset offensif en Artemi Panarin. Ça va être quelque chose d'assez intense là, à Columbus. Fait que, d'après moi, ils vont aller chercher une coupe de trophées. Je sais pas si c'est d'accord. Ça pourrait très bien être leur année. Je suis en train d'ouvrir un site parce que avant qu'on commence le show, je t'attendais. En fait, on s'attendait. Là, on avait dit qu'on commençait à X heures. Et pendant ce temps-là, je lisais un article de Andrew Berkshire, qui est un gars de stats avancées, qui écrit entre autres pour RDS aussi. Et il a fait un article sur Sportsnet, leur site web, sur le classement des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale. Classement que je trouve super intéressant parce que basé sur plusieurs statistiques. Il y a trois grandes catégories qui sont compilées. La difficulté à laquelle fait face le gardien de but, la qualité des tirs, les rebonds, les tirs suite à des déplacements latéraux, tu sais, plein de situations où est-ce que c'est plus difficile. Tu peux quantifier la difficulté de la tâche d'un gardien de but. La consistance, donc le fait que le gardien de but dans les trois dernières années a été performant de manière constante ou non, et les performances en tant que telles. Est-ce qu'il a livré la marchandise? Puis c'est un classement de 23 gardiens de but parce que fallait avoir, il disait, 42 matchs de jouer. Non, 75 matchs de jouer dans les trois dernières saisons. Fait que là, il a présenté le top 23. Et ça inclut des gardiens à la John Gibson, Jonathan Quick, des gars comme ça. Ben Bishop est là, Roberto Luongo, blablabla. Et le gardien de but qui sort numéro 1, c'est Carey Price. Puis je vais te traduire. Écoute, si leur site web peut arrêter de chier dans mes mains. Bon. Carey Price a présenté, je te traduis là sur le pif là, de même, là, à peu près les mêmes chiffres que l'an dernier. En fait, il était numéro 1 comme l'année dernière. On le sait, Carey Price est un joueur spécial et même dans une année qu'on peut dire plus ordinaire selon ses standards à lui, c'est un candidat pour un Vezina. Ce qu'il a été l'an passé, alors que c'était une année qui était très bonne, mais que parfois il y avait des baisses de régime, puis on voyait une compétition, puis on se demandait à certains moments, va-t-il être encore dans le top 3 des gardiens pour être nominé? Je pense aussi. Il a volé la place à Talbot, Price on va se dire. Est tellement, tu sais, groundé, tellement que tu te dis, au début de la saison, à moins d'une blessure, il va être un candidat pour le Vezina, logiquement. Ça, je pense que c'est vrai. Là où est-ce que ça commence à être très intéressant, c'est que il dit Price est tellement smooth dans ses opérations, là, dans sa manière de jouer son rôle de gardien de but. Comment est-ce qu'il fait les arrêts? Il rend ça, ça donne l'impression que c'est sans effort. Il rend les arrêts comme si ça avait l'air facile. Et ça, c'est par son positionnement, son anticipation, son économie de mouvement, le fait de maximiser ses énergies. Et ça fait en sorte que quand il a besoin d'être athlétique, quand il a de l'air hors de position, il est capable d'être explosif et athlétique comme n'importe quel gardien de but d'élite. Fait que lui, il positionne Carey Price comme étant le meilleur gardien de but de la Ligue nationale. Dans le top 3, tu as Matt Murray et tu as Sergei Bobrovsky. Oldby est quatrième, et ainsi de suite, là, Crawford, blablabla. Et il y a des gardiens de but qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment bons, genre Tukaras qui a de la misère à percer le top 20. Il est 22. Mais le pire, c'est que Tukaras, l'année passée, je pense qu'il était dans le top pour les meilleurs stages. Ouais, mais c'est ça, c'est l'inconstance. Avec une équipe moyenne. Des choses comme ça. Puis, ben, ce que je voulais amener, c'est que le Vezina, comment aller contre tout ça avec des stats avancées à l'appui, puis lui il classe dans le fond la difficulté, là, je vais te dire à peu près là, les cotes, la difficulté que Carey Price a dû faire face, il est dans le autour de 70% par rapport aux autres gardiens de but, tu sais, ça va de 0 à 100%, fait que lui il est au-dessus de la moyenne. Pour la consistance, il est comme à 100 et la performance aussi à 100. Fait que ça lui donne une note de 95,66%. Ouais, ben, selon Sport Logic, qui est une firme qui est embauchée par une quinzaine d'équipes dans la Ligue nationale pour les stats avancés. Ouais. Fait. Si le Canadien fait les séries, il est nominé, d'après moi. Il y a des chances. Avec l'alignement, avec la défensive qui est en avant de lui, je vois mal comment est-ce que Carey Price, en amenant son club en playoff, ne sera pas nominé pour le Vezina. Fait que voilà mon candidat. Mais Bobrovski, c'est très, bon très intéressant aussi, par contre. Ben, il a gagné cette année. Ça pourrait, il pourrait faire une deuxième année de suite. Cette fois. D'autres trucs? D'autres. Ben, mon président, moi, va à Columbus, justement, parce que Bobrovski va t'en gagner à plus finir. Quelle équipe tu penses qu'il va finir avec la plus grande fiche la meilleure dans fiche, toute oui. la Ligue nationale cette année? OK, parce que plus grande, ils ont toutes 82 matchs. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, effectivement. Vous m'aviez compris à la maison. La meilleure fiche. Peu importe. Écoute, c'est dur à dire. J'ai un parti pris pour les deux finalistes de la Coupe Stanley. Donc, les Pingouins et les Preds. Les Prédateurs de Nashville. Fait que... je vais y aller. Je vais y aller avec Nashville. Mais je pense que Edmonton vont les chauffer. Ouais. Vont les chauffer. Si on veut faire une prédiction pour la coupe, parce que je me doute que ça va être sur la table. C'est la finale. Ben en fait, c'est la finale de la Coupe Stanley. Quelles seraient tes deux équipes? La finale avant la finale va être Nashville contre les Oilers. En finale de conférence dans l'Ouest. Et la grande finale sera Edmonton contre Columbus. Avec Edmonton qui gagne. Ah ouais? Je me gratte. Ça serait cool. Ben oui, c'est ça. Puis c'est le genre de call que t'arrives à la fin de l'année, tu fais comme, ouais, je me suis vraiment planté. Tu sais, l'an passé, je voyais clairement dans l'Est le Lightning se pointer en finale. Puis, ben, c'est pas arrivé, les blessés, puis tout le changement que cette formation-là a dû vivre, l'adversité de l'an passé, il était pas là partout, là. Toi de ton bord? Mm-hmm. Ben écoute, moi, je disais l'année passée que le Wild allait gagner la Coupe. Fait que tu sais... Quand tu peux te tromper, cette année, j'ai le feeling que je vais avoir des meilleures chances de gagner. Moi aussi, la finale de... Ben, ma finale, en fait, Columbus vont sûrement se rendre en finale de leur côté, mais je crois que les Oilers vont se battre en finale de Coupe Stanley contre Toronto. Oh, j'aime ça! Parce que j'ai tellement le feeling que... Ben, en fait, c'est ce que j'aime le plus de ma finale, c'est que cette année, là, on va voir le changement, le virage. Une couple d'équipes, je pense, qui vont s'enfarger partout. Là. Tu sais, comme les mettons, équipes montées de manière traditionnelle. Chicago. Ça serait le fun que ça prenne. Ouais, c'est ça. Mais en fait, honnêtement, Chicago, je les vois ne pas faire les séries. Ça me surprendrait pas. Puis j'aimerais ça. Parce que avec la perte d'Artemi Panarin, qui justement est rendu à Columbus, ils ont perdu quelque chose en offensive, puis c'est pas Jonathan Toews qui va remplir ce trou-là. Patrick Kane va probablement faire beaucoup moins de points parce qu'il n'y a plus Artemi Panarin. En fait, ce que j'aime le plus, c'est que, tu sais, je pense qu'Artemi Panarin a demandé un échange parce qu'il était tanné d'être associé à Patrick Kane. C'est pas confirmé, en fait, qu'il a demandé un échange, je pense juste qu'ils l'ont échangé parce qu'il allait coûter vraiment trop cher. Mais je serais pas surpris qu'il ait demandé un échange, puis que, tu sais, Artemi Panarin s'en va là-bas, là, en étant comme probablement un top 3 offensif dans l'équipe, puis il a tout à prouver en allant là-bas. Tandis que je pense que c'est là qu'on va voir que Kane dépendait beaucoup plus d'Artemi Panarin que d'Artemi Panarin dépendait de Kane. Puis je pense que justement, ça, c'est genre l'affaire. Tu sais, Duncan Keith vieillit. Seabrook vieillit. Corey Crawford, tu t'es entendu dire qu'il était cinquième. Mais c'est parce que, étrangement, malgré la défensive que la formation des Blackhawks est, tu sais, on est habitué de les voir comme étant des tops, c'est le niveau de difficulté. Les qualités de chances qui sont offertes à l'autre équipe plus régulièrement, ça a donné ça. Ça a venu jouer dans l'équation. Dans le fond, là, c'est une équation mathématique. Tu fais le classement de toutes les gardiens de but, les occasions là, difficiles qu'ils ont vécu. C'est qui en a le plus et qui en a le moins. Tu mets ça sur une échelle de 1 à 100. Puis après ça, tu mets la consistance. Là-dedans, là, tu avais le nombre de fois que le gardien de but se fait marquer plus que 5 buts, le nombre de victoires, le nombre de blanchages, tu sais, des choses comme ça. Les résultats d'année en année, ça varie énormément. Tu avais ça. Tu fais le ratio de tout ça et tu arrives avec une mathématique qui classe tes joueurs dans un ordre. Fait que ça enlève, tu sais, l'aspect « Ah, j'ai l'impression que... » Ben, Corey Crawford, tu sais, avait... Puis tu sais, numéro 2, tu as Matt Murray, là. Tu sais, qui a super bien fait devant une défensive hyper ordinaire. Puis en finale de la Coupe Stanley, là, s'il n'avait pas été là, puis s'il n'y avait pas eu une blessure à comment ça s'appelle, l'attaquant, le centre de Nashville, Johansson, ouais, j'avais joué Johansson, mais c'était pas loin. Ça n'avait pas été de ça, tu sais, de la Coupe, peut-être que Nashville aurait pu en ramasser. Là. Ça n'aurait pas été. Ben, tu sais, c'est toujours une question de si, là, c'est... Mais c'est ça. C'est... Oh! Ouais. Fait que c'est un classement qui est plus mathématique que spéculatif selon les impressions. Puis ma coupe s'en va à Toronto. Mais ça, c'est zéro objectif, c'est juste un goal et tout. Fait que... Ben non, ça serait vraiment une bonne finale. Puis peu importe l'équipe qui gagne, je pense, dans mon choix de finale, je vais quand même être content. Mais j'ai un parti pris pour Toronto. Puis, ma dernière question, est-ce que Vegas, l'équipe d'expansion, va faire les séries selon toi? Est-ce que Vegas va faire les séries? Ben moi, je me mouille en disant que oui. Ils vont rentrer dans la wildcard. Hey, puis pour ils vont le fond, s'en sortir en première. Tes livres de Toronto sont en train de planter les Jets de Winnipeg 7 à 2 en ce moment. Il reste 4 minutes à la troisième période. Les pointeurs, là, pour le fun, c'est bleu, bleu, bleu longtemps. Mais il faut dire que les deux équipes sont en bleu. J'aime beaucoup ça. Les pointeurs, je peux-tu avoir les Maple Leafs? Bon. Marleau a 2 buts. Marner, 1 but, 1 passe. Van Riemsdyk, 1 but, 2 passes. Matthews, 1 but, 2 passes. Kadri, 1 but, 1 passe. Oui, Sylvain, oui. C'est pour ça que j'avais vu, pendant que tu parlais, un moment donné, Sylvain qui dit que Marleau ne s'ennuiera pas. Ouais, de... Puis ce qui est intéressant, c'est que l'attaque est hyper variée parce que l'attaquant avec le plus de temps de glace jusqu'à maintenant a 14 minutes 5 sur la glace. Tu n'as pas d'attaquant à 20 minutes, là. Ben, Non, il y a, Connor Brown qui a 14 minutes 23, mais c'est probablement une question de penalty kill. On ne va pas analyser le match au complet, là, mais Winnipeg ont 8 power play. Les attaquants plus défensifs ont eu beaucoup de temps de glace. Oui, ça égalise le temps de glace, mais la formation des Leafs en attaque, écoute, ils ont tout ce qu'il faut là, pour étaler le talent et d'être dangereux partout tout le temps. Là. Yes! Fait que nice. La coupe aux Leafs, j'aime ça. J'aime ça, Jerry. Hey, petit quickie de même avant qu'on aille aux réponses du public et la question qu'on a eue, on a demandé comme à chaque semaine quel sujet vous voulez qu'on aborde. On l'a déjà fait, mais bon, je vais quand même nommer l'auditeur parce qu'il est super sympathique. Le Canadien de Montréal s'est associé avec l'Auto-Québec pour faire des billets de loterie et a gagné 80 000 $ comme gros lot, des billets pour des matchs, du merch. Puis plein d'affaires. Et moi, je me suis trouvé très, très drôle sur la publication de l'Auto-Québec. J'ai répondu, il me semblait que pour les billets pour le Canadien, c'était seulement numérique et qu'il fallait payer un supplément pour les imprimer. Ouais, parce que des billets de loterie, on est capable de les imprimer. C'est drôle. Sujet du public, Marc Charpentier qui nous demande, est-ce que Mehdi va dépasser les 9 matchs? On l'a déjà abordé. Ou s'il va être descendu aussitôt que Super Schlemko revient? Là, il fait référence à Marc Bergevin qui a dit que Schlemko était son gars sur la première paire à la gauche avec Weber. On n'a pas parlé beaucoup de Schlemko, mais je vais twister un petit peu son commentaire, ok? Le sujet de Marc. Je vais te demander, Jerry, toi, es-tu confiant par rapport à Schlemko? 6 clubs en 4 ans, des stats ordinaires. Bob Hartley qui dit, ben écoute, s'il est numéro 2 à Montréal, c'est parce qu'il fait des affaires qu'il nous a pas montrées à Calgary. Ben, c'est un 7-8. Point. Je veux dire, ma réponse, c'est ça. Il n'y a rien de plus. J'aime mieux un Victor Mété, comme je disais, sous le duo numéro 1. Au-delà de Marc Bergevin, à un moment donné, il faudrait peut-être se poser la question chez le Canadien de Montréal si les scouts professionnels sont capables de faire la job. Parce que, outre des gars de troisième ou quatrième trio dans des échanges mineurs sur lesquels, des fois, on a l'avantage, parce que là, ça paraît bien, mais Dano, c'en est une, trade qui était poussé. Mais après ça, là, t'as peut-être Ben, mais il y a 13 matchs de jouer avec le Canadien de Montréal, on va se calmer le pompon. Ouais, quelle transaction. Ça reste quand même un sixième. En pleine saison, là. Quelle transaction qui ont vraiment été à l'avantage du Canadien de Montréal? Tu sais, il y a Petrie. Puis il y a Vanek. Vanek n'a pas toffé longtemps. Petrie, bon, l'a re-signé à gros prix. Mais à part ça, là, j'ai l'impression que c'est toujours des petites transactions. Puis le scouting pro n'est pas toujours sur la coche. Il faudrait se questionner un petit peu sur les hommes qui font ça. Là, ce job-là chez Canadien de Montréal. Ils sont payés très cher. Sont payés cher. Nous avons demandé à notre public de feu. On a sondé la sagesse populaire. On a demandé, d'après toi, est-ce que le CH va faire les séries cette saison? On a eu quelques réponses. Je t'ai lu, Jerry, on commente dans le cas où est-ce que c'est nécessaire. Des fois, là, faut peut-être replacer le monde. Là. On va lui dire. Frank DeLille qui nous répond, ils vont finir deuxième de leur section. Son ordre, Tampa Bay, Montréal, Toronto, Floride, Ottawa, Boston et Buffalo. Voilà. Ouais, j'ai de l'audace avec la Floride en quatrième place et Ottawa exclut des séries. L'audace, on aime ça. Merci pour ton commentaire, Frank. C'est la première fois que il me semble que je te vois dans les commentaires sur le show. Bienvenue dans le club. Par contre, moi, clairement, je mets Toronto avant Montréal, là. Tu sais, Jerry, il gagne la coupe. Ben, Jerry, il gagne la coupe. Et je pense que, tu sais, je reviens encore avec Angers. Allez, écoutez, c'est bon. Okay? Il y avait une discussion entre Martin puis Gaston, puis il disait Toronto ou Montréal qui vont finir avant. Et Martin Lemay disait, ouais, mais Toronto, ils ont pas de défensive, tout est en attaque. Puis là, moi, je me disais, ouais, mais les Pingouins viennent pas de gagner une coupe avec cette formule-là. Ouais, mais en même temps, je comprends pas. Attends. Ouais, Morgan, mais c'est des parents, on les connaît Jake pas. Jake Gardiner. Oui, mais on les connaît Nicolas pas. Nicolas Zaitsev. C'est le même, ça fonctionne là, dans les médias montréalais. On les connaît pas, fait qu'ils sont pas bons. Mais oui, mais écoute, tu connais les doutes de la quatrième ligne d'attaque dans la Ligue américaine du club école du Canadien de Montréal, mais t'es pas capable de nommer le top 6 des clubs des autres formations. C'est sûr, t'as l'impression que c'est meilleur à Montréal, c'est les autres que tu connais. Tu sais, c'est dur de comparer avec quelque chose que tu connais pas, là. C'est comme... Maintenant, j'avais une discussion... Je sors un petit peu là, des sentiers du hockey, mais j'avais une discussion avec quelqu'un en disant « Ah, tel président, il est vraiment de la merde. » Elle parlait de Trudeau, là. Ses politiques sont vraiment pas bonnes. Je fais « OK, mais comparé à quoi? » Ben, il y a pas de comparaison. Ouais, mais c'est parce que si t'as pas de comparaison, tu peux pas dire que quelque chose est bon ou pas bon, là. Tu sais, c'est comme... C'est comme la température. Ouais, il fait froid. OK, il fait moins 3. Ben, va sur le pôle Nord voir si moins 3, c'est froid. Ça devient chaud tout d'un coup, là. Si t'as pas de comparable, ça donne rien. Là. Fait que si tu compares la défensive du Canadien avec les autres clubs, en sachant pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur défensive, ça part mal pour évaluer la qualité de l'une versus l'autre, là. Jean-Michel Brière Jean-Michel, un régulier, qui nous dit oui, par la peau des fesses. Ça rejoint pas mal mon impression. Moi, je pense qu'ils feront pas, mais ouais, serré, ouais, parce que le Canadien ne voudra pas abandonner pour aller chercher un haut pic au repêchage. Rasmus Dahlin, là, le futur premier choix au repêchage, va être bon en tas. OK? Il n'y a pas de photo, là. Il y a pas, cherchez pas de midi à 14h. Lui, il va être bon. Dahlin, ouais. Rasmus Dahlin. Sinon, dans le top 5, tu as Joe Veleno, qui est un gars qui a eu la passe droit dans la LHJMQ pour jouer à 15 ans dans le circuit. Le statut d'exceptionnel. Le genre de statut que John Tavares a eu, Connor McDavid et des doutes qui n'ont pas fait la ligue finalement, qui ont été repêchés premiers. Ben, ça arrive des fois, le développement, tu es en avance sur ton âge, mais à un moment donné, tu te fais rattraper, tu n'es pas capable de t'adapter. Ça arrive, bon. Okay? Mais des gars comme Tavares ont eu ça, McDavid aussi, et Joe Veleno, qui est avec les Sea Dogs de Saint-John, qui devrait sortir dans le top 3, voire top 5, pour être très intéressant. Puis comme il joue pour la Q, on va l'aimer à Montréal, c'est sûr qu'on va le vouloir. Mais le Canadien n'acceptera pas. Autre affaire, d'ailleurs, j'en reviens sur Martin Lemay. J'ai l'impression que je fais un rant contre lui à tous les deux phrases. À un moment donné, dans la discussion Leafs contre Montréal, il lâche hey, Austin Matthews, là, il est bon pour vrai. Moi, je l'avais dit, il fallait que le Canadien fasse tout pour aller chercher. Échanger n'importe qui. Fait que là, moi, sur Twitter, j'ai dit, ouais, mais tu sais, faire tout, juste perdre aurait été suffisant. Mais il n'y a pas un média montréalais qui acceptait que le Canadien perde. J'ai pas eu de réponse. Mathieu Petit nous dit par rapport à la question est-ce que le CH va faire les séries. Mathieu Petit nous dit malheureusement, je crois que les Canadiens feront les playoffs grâce à Carey Price, mais ne passera pas la deuxième ronde à moins d'avoir des surprises pendant la saison. Carey nous amène en série à chaque année, mais les séries, c'est pas comme la saison. Il faut compter surtout les joueurs et non que quelques-uns aient monté leur jeu d'un cran. Fait que je suis pas d'accord avec ça, moi. Toi avec. OK. Ouais. Voilà qui fait le tour pour les commentaires sur notre question. Et aussi, c'est ce qui complète le show de cette semaine de la POC. Jerry, encore une fois, quel bonheur de discuter avec toi. On était. Je pensais pas qu'on était pour parler de conventions collectives, puis de salaire, puis de contrat de même. C'était pas prévu. Du moins de mon côté, je pensais pas que la discussion irait là, mais je pense que c'était hyper intéressant. Parler d'impôts aussi, toujours intéressant de scruter la Ligue nationale avec un regard autre avec toi à mes côtés. Merci beaucoup, Jerry. Ben, merci à toi. Sans toi, cette discussion aurait été un peu weird, parce que j'aurais parlé tout seul à moi-même. Ça aurait été vraiment bizarre. Merci à vous aussi, les auditeurs, parce que sans vous, nous ne sommes pas là non plus. Pas de public, ça donne absolument rien de faire le show. On vous invite à venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Cherchez la POC Podcast. Vous allez nous trouver assez facilement. De plus en plus, la communauté autour de la POC grandit, va en augmentant. Il y a de plus en plus de discussions entre vous autres et avec nous autres. On adore ça, voir ça aller. J'essaie de mettre à chaque jour un petit quelque chose sur la page pour alimenter. J'ai même fait un article à propos sur le blog de la POC sur notre site web lapoc.net. J'ai fait un article à propos de la défensive suspecte du Canadien de Montréal et ce qu'elle aurait pu avoir l'air sans les mouvements de Marc Bergevin qui ont, tant qu'à moi, dilapidé une certaine dose de talent qu'on avait chez les arrières et que nous n'avons plus. Donc, je vous invite à aller lire ça et je vous remercie d'avoir été des nôtres encore une fois cette semaine. En mon nom et au nom de Jerry, on vous dit à la prochaine dans un autre épisode de la POC. Bye bye. Ciao là.